Merci à vous. Je rappelle également ma Bible des questions santé avec Jessica Falour. Ça, c'est aux éditions Le Duc. Un bel ouvrage, bien lourd, que vous nous avez rapporté aujourd'hui. Merci à vous. Merci Teddy, à la prochaine devant RTL, de nous avoir justement éclairé aussi de tout ce que tu connais. Et puis nous, on se retrouve demain. Et demain, nous allons parler de ceux qui, bien qu'ils soient tout à côté, juste en dessous, au-dessus de nous, nous semblent parfois des étrangers. Pourquoi donc ? Ce sont les voisins, les joies du voisinage. Ce sera demain à 15h. Tout de suite, voici mon voisin de studio. Ils sont nombreux, ils font un peu de barouf quand même. Voici les grosses têtes. Je vous embrasse, je vous dis à demain. RTL, il est 16h. L'info, c'est avec vous, Marie Guerrier. Marie. François Hollande rend hommage aux 49 victimes de la fusillade homophobe d'Orlando. Le président s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Paris pour signer le livre de condoléances. C'est l'Amérique qui a été frappée, mais c'est la liberté qui était visée. La liberté de choisir son orientation sexuelle, la liberté de déterminer son mode de vie. La France poursuivra encore avec davantage de force son combat pour l'égalité et la dignité des femmes et des hommes qui se battent partout dans le monde pour ces valeurs. Aucune nation, aucun pays, aucun continent n'est protégé de la barbarie ou du terrorisme. Et c'est ensemble que nous devons affronter cette menace. La vaincre, nous serons encore plus engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du peuple américain. François Hollande au micro RTL d'Olivier Bost. 2 mois de prison ferme et 2 ans d'interdiction du territoire viennent d'être requis à l'encontre d'un Anglais de 20 ans, le premier supporter de foot jugé en comparution immédiate à Marseille après les violents incidents de samedi. Selon l'enquête, il a jeté une bouteille en verre sur les gendarmes. Il était ivre au moment des faits. 9 autres supporters sont jugés cet après-midi à Marseille. Le foot sur le terrain, c'est à Toulouse cet après-midi. Espagne, République tchèque, Christian Olivier. Exactement. Au moment où la seconde période vient de redémarrer alors que les Espagnols ont failli inscrire, ou plutôt, les Espagnols, le premier but de la partie, car c'est une demi-surprise en vérité pour ce demi-match. À la mi-temps, le score est de 0-0. Première attaque des Espagnols en seconde période et les Tchèques, et la défense tchèque là, bien Molasson qui a failli marquer quasiment contre son camp, avec donc une première période attaque-défense pour les joueurs espagnols, 73% de possession de balle, avec du Morata quasiment seul devant le gardien de but, Petr Cech. Morata qui a frappé trop croisé, ou encore une frappe également de Silva dans les gants du gardien d'Arsenal. Plazil également, le milieu de terrain bordelais, qui a failli jouer les sauveteurs et qui a même joué les sauveteurs à 2 reprises. Mais malgré cette très forte domination espagnole, le score est toujours de 0-0, alors que ça chauffe terriblement actuellement dans la surface de réparation de la République tchèque. Mais pour l'instant, les Espagnols continuent à chercher et à trouver la brèche, mais ils ne parviennent pas à perforer définitivement la défense de la République tchèque. 2 minutes de jeu en seconde période et le score est toujours de 0-0 entre les Espagnols et les Tchèques au Stadium de Toulouse. À tout à l'heure, Christian Olivier dans le flash de 17h sur RTL. Et maintenant, votre rendez-vous pronostic avec Bertrand Latour. Oui, on s'intéresse au match de 21h, le premier choc de l'Euro entre la Belgique et l'Italie. Match à vivre en intégralité sur RTL. La cote pour une victoire belge est à 2,56. Le match nul à 3,15 et l'Italie à 3,40. Cote sujette à évolution. Les Italiens finalistes du dernier Euro doivent composer avec des absences majeur au milieu du terrain, Claudio Marchisio et le prodige du PSG Marco Verratti. La défense est solide, composée de l'ossature de la Juventus Turin, Buffon dans les cages et une arrière-garde expérimentée, Barzagli, Bonucci et Chiellini. En attaque, moins de solutions, Graziano Pelé, joueur de Southampton, et Eder, brésilien naturalisé italien, seront les 2 fers de lance, mais ils n'ont pourtant pas de grande référence au plus haut niveau. Prochain rendez-vous pronostic à 17h. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les chevaux courent cet après-midi à Compiègne, Bernard Glass. Avec un rappel de l'arrivée du Quintet Marie, c'était la deuxième épreuve. Il y avait 3 noms partants, le 3, le 5 et le 16. Et la bonne combinaison, le 12, le 8, le 6, le 15 et l'As, numéro plus 2298. La quatrième, le 8 et le 3 étaient non partants. C'est le 7 impressionniste qui s'impose, 4,30 et 1,90 devant le 4 Déité, 2,20 placé. Le 5, Secrète Existence, 2,60. Quatrième, le 9 à la Cana. Et puis la cinquième, où le 2 était non partant, a vu la victoire du 7. Golden Gazelle, 10,70 et 3,20 devant le 10 Fancy Gem à 80 et le 4 Calia 3,40, 4e place pour le 14. La suite des arrivées dans une heure. À tout à l'heure Bernard, il est 16h04, vous êtes sur RTL tout de suite, les grosses têtes et Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui revient nous voir de temps en temps juste pour nous dire qu'elle nous enterrera tous, Claude Sarraute. Une grosse tête arrivée il y a à peine 5 mois et qu'on surnomme déjà la patronne, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a toujours un mot plus gros que l'autre, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui ne va rien louper pendant l'Euro à part sa fiancée, Florian Gazan. Bonjour. Il y a une fiancée, tiens. Une grosse tête, toujours d'humour égal, Bernard Mabille. Oh. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui peut imiter aussi bien Joe Star qu'Ariel Dombal, Christophe Beaugrand. Bonjour. D'avance, l'imitation d'Ariel Dombal, Christophe. Ah non, là, c'est très difficile, Ariel Dombal. Hein, c'est vrai. Elle est inimitable. Inimitable. Puis elle est là, surtout, donc je voudrais pas me fâcher tout de suite. Oh, mais ça ne gêne personne. Mais non, ça ne gêne personne. Mais non, justement. Mais ce qui est difficile avec moi, c'est que vous ne pouvez pas m'imiter en espagnol. A ver, Christophe, comment le va? Si hablo español, ya no puedes nada, porque no sabes hablar español. Se puede un poquito. Pero un poquitito. Claude Sarraute, faut vous dire, les choses ont beaucoup changé hein, depuis que vous nous avez quitté. Enfin, vous nous avez quitté, vous êtes toujours là. Oui. Hein, elle a l'air toujours vivante, toujours debout. Ben, toujours debout, faut le dire vite, hein, quand même. Toujours assise. Tu ne dis pas, tu ne leur expliques pas pourquoi je viens pas. Alors expliquez pourquoi. Laurent est impatient parce qu'il a acheté la maison de Claude en viager. Et ça fait 40 ans maintenant, alors ça commence à faire. Ça. On m'a proposé de mettre ma maison en viager. Qui vous a proposé ça? Le monsieur de ma banque. Ah oui, il est sympa. Il est pas con. J'ai plus de sous, j'ai plus rien. C'est pour ça Claude, il a investi dans la pierre tombale. C'est parce que t'as plus de sous que tu t'habilles comme ça. Comment Claude, ça vous n'avez plus de sous? Mais j'ai plus de sous et je prends dans l'héritage des gosses. Oh là là. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais attends. Bientôt, ils n'auront plus rien. Aïe. Oh là là. Alors, le monsieur de la banque est venu et il m'a dit, il faut mettre votre maison en viager. Tu dis que tu dépenses de l'argent, mais tu achètes quoi? Bah, des médicaments. Claude, et puis vous vous achetez des fourrures. Ah non, c'est un tapis de sol, ça. C'est une vieille. On a l'impression qu'elle a glissé sur son tapis de bain puis qu'il est resté accroché. Non, mais c'est une espèce de vieille moumoute en chèvre du Larzac. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce gilet qui ressemble? C'est du pétrole. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elle a vendu les manches en viager. C'est du mouton. On a l'impression d'une bergère. C'est Jeanne d'Arc, mesdames et messieurs. Bon, alors maintenant, donc, où j'en étais, je m'en rappelle plus. Assis. Je vais vous expliquer ce qui m'arrive. J'ai très très mal aux fesses. Oui. Ah. C'est une hernie discale. Ah. Parce que je suis bourré d'arthrose. Nuit et jour, j'ai mal. Comme une grue. Vous savez, la grue, elle a des pinces. Eh bien, la grue descend et me pince de chaque côté du derrière. Est-ce Claude, il faut vous faire des massages. C'est la grue qui vous faites parle, Claude. Faites venir un bon masseur. Est-ce que vous êtes contente, Claude Sarraute, de voir Ariel Dombal? Ah, ravie. Aux grosses têtes. C'est votre première fois ensemble. Oui. En tout cas, Claude, pauvre ou riche, vous êtes très élégante. Ah oui. Mais c'est mieux riche, non? Donc vous êtes contente de voir Ariel ici, Claude? Ravie. Elle est belle comme on n'a jamais vu. Et c'est la plus gentille fille que j'ai jamais croisée. Ah oui? On a l'impression que quand tu vois un vieux chien comme moi dans la rue, tu le prends, tu le ramènes, tu le nourris. Non, elle l'écrase. Ah oui? Oui. Bah, c'est ce que je fais moi aussi. Tu m'écraseras, toi, oui. C'est avec tout le monde autour de la table, en fait, hein, c'est ça. Une radio, c'est un refuge, j'allais me dire. C'est le week-end d'adoption de l'SPA. Bon, ça n'a pas changé, Claude Sarraute ici. Première citation, comme d'habitude, il faut retrouver l'auteur. Attention, vous avez vos chances. La première citation est plutôt facile, je crois. Une citation pour Jocelyne Sibille, qui habite Aidoal, c'est dans les Vosges, qui a dit « Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait eu 4 incisives manquantes et donc un grand trou noir au milieu des dents ?» Hollande, non. Ça a été dit en français. Ça a été dit en français. C'est mort? Ah oui, ça pourrait être mort. C'est un bel humoriste. Ah, c'était pas un humoriste, non, du tout. Un autre. C'était pas censé être drôle, donc. Ah, c'était pas censé être drôle. C'était un dramaturge. C'était un dramaturge, oui. Racine? Un poète, un écrivain, un dramaturge. Racine, non. Musset. Attends, c'est si vieux que ça ou c'est récent? Marivaux? Ah, ça date quand même du 20e, non, c'est Camus. Camus? Camus, non. Il écrivait du théâtre ou des romans? Attends, c'était drôle son théâtre? Surtout du roman, et c'est vrai que, par exemple, cette phrase est extraite d'un de ses romans les plus célèbres. Boris Vian? Bagnol. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Boris Vian? Boris Vian, non. Est-ce que c'est un auteur qu'on lit à l'école? Oui, au lycée, ça arrive. Hein. Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait eu quatre incisives manquantes, un grand trou noir au milieu? Mauriac? Mauriac, non. Mauroy? Mauroy non plus. Pourtant, un grand trou noir. Bazin? Non. Quelqu'un qui est mort en Suisse en 1981, il avait 86 ans. Ah, Cohen. Albert Cohen. Albert Cohen. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et puis là, en plus, elle en a sous les bigoudis. Ah non, écoutez, franchement, ne dévoilez pas les secrets capillaires d'Ariel Dombal. On l'imagine très peu avec des bigoudis, Ariel. Mais c'est une expression, idiot du village. Tu sais. Ça aussi, c'est une expression. Ça aussi, oui. Parce qu'il n'y a pas d'un village. Et elle a l'âge de ton gilet. Hein. C'est le gabin qui je l'ai piqué. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Non, mais bravo, Ariel. Dites donc, vous revenez en forme, là, alors. Ah, ben oui, je suis tout feu, tout flamme. Et vous pouvez nous dire dans quel livre d'Albert Cohen est extrait... La belle belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Bonne réponse de Claude Sarraute. Voilà. Et l'héroïne s'appelle Ariane et le héros s'appelle Solal. Une voilà, question... soyons précis. Oui, c'est pas la peine non plus d'en rajouter trop, vous voyez. Une question pour Guillaume. Eh ben, nombre de pages, 887. Une question maintenant pour Guillaume Sequard, qui habite Rouen. On ne juge pas les auditeurs, Laurent. Guillaume Sequard. C'est en un seul mot, Sequard. Pas Guillaume, ce plus loin, Quard. Non, Guillaume Sequard, qui habite Rouen, qui a dit un baiser, c'est une demande adressée au deuxième étage pour savoir si le premier est libre. C'est mignon. Est-ce que c'est encore vivant? Non, c'est mort. Frédéric Dard? Frédéric Dard, non. Non. Pierre Desproges? Non plus. Ça écrivait des romans? Oh, des romans et des articles aussi. Un journaliste? Journaliste. Journaliste et romancier. Mmh. Morand? Assez régulièrement cité aux grosses têtes, encore plus régulièrement à l'époque de Philippe Bouvard. Mais tu te rappelles, toi, c'était toujours les mêmes. Oui, mais je m'en souviens plus. Ah, bah, moi non plus. Maupassant? Car? Alzheimer? Alphonse Car? Alphonse Car, voilà. Bonne réponse de Laurent Baffi. Les grosses têtes sur RTL. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Laurent Ruquier, vos grosses têtes sont sur RTL avec le retour aujourd'hui de Claude Sarraute. Une question pour Charlotte Furet, qui habite Verquin, dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne une certaine Madame Bombal, qui en 1900... Ariel, bien sûr. Non. La pierre Bombal. Ariel Bombal, voilà. En 1782... Non. Avait déjà 30 ans. Non, Bombal, pas Dombal. Remarquez, à une lettre près, c'est vrai. C'est vrai. Alice Bombal. Et en 1936, Alice Bombal s'est noyée dans sa baignoire. Ah, bah dis donc. Quelles conséquences eut cet accident domestique? On a inventé la bonde. Non. Elle était saoule, peut-être. Ah, j'en sais rien. Écoutez, je n'étais pas là. Elle est là, même Bombal. Elle est dans son bain. Elle se noie. Elle est morte. Elle meurt. Et donc, on a inventé quelque chose dans la foulée. Non, c'est on n'a rien inventé. Ah. Je vous demande quelles conséquences cela a eu. Eh ben, elle n'a pas eu d'enfant. Non. 36, c'est les congés. Ça a renversé le gouvernement. Non. 36, c'est les congés payés, mais je vois pas le rapport avec Madame Bombal. Est-ce que ça a eu une conséquence politique? Oui, c'est en quelque sorte oui. C'est lié à son mari. Non. Il y a une loi qui est née de cette... Pas du tout. Parce qu'on la connaissait sous un autre nom. Non, on la connaissait pas sous un autre nom. D'ailleurs, peu de gens ont retenu son nom, Madame Bombal. Attendez, c'était un meurtre ou c'est un accident? Ah, écoutez, j'espère que c'était un accident et pas un meurtre. Parce que là, ça voudrait dire, ce serait terrible, ce serait un scandale. C'était la maîtresse d'un président? Non. Elle était la veuve d'un architecte parisien. Et... Ils ont instauré des assurances contre les inondations? Non. Est-ce que les conséquences ont été dramatiques? Ah, dramatiques. Non, c'est pour certains, c'était plutôt une bonne nouvelle. Elle était remplacée par quelqu'un qui est devenu célèbre. En quelque sorte. Ah, et c'était une actrice? Non. Une égérie? Non. Une comédienne? Une PDG? Une chanteuse? Ah, ça c'est la bonne question du jour, je le sens. Hein. Elle dirigeait une société. Je prépare 300 euros pour Madame Suret qui habite Verquin dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'elle incarnait quelque chose? Pas du tout. C'est la femme du bourreau? Non plus. Alors, il y a quelqu'un qui l'a remplacée, ça y est. En 1936, elle se noie dans sa baignoire, et là... Et tout le monde fait chic. Ah, En tout cas, il y a deux personnes qui font chouette, chouette, chouette. Ah, les héritiers. Jacob Delafont. Non. Et Delafont. Ah, elle a, voilà, voilà. Parce que voilà, du coup, elle a vendu son immeuble. Ça, c'est tout ça. C'est exactement. C'est RTL maintenant. Ça me concerne. Je sens ça. Comment ça? Une sorte d'héritage. Ah, c'était pas la patronne du panier fleuri, Laurent? Non. Est-ce que c'était pas une dame qui avait un appartement qu'on essayait pouvait pas exproprier parce qu'elle était encore là, et le fait qu'elle décède a permis de récupérer tout l'ensemble? Pas tout à fait. C'était le premier viager. C'est pas le premier forcément, mais. Ça a été un viager. Elle avait vendu sa maison la veille. Il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à elle. Vrai. Donc il y a des gens qui ont. C'est deux gens très connus qui en ont hérité. Ah oui. Ah. Et ils ont fait quelque chose d'énorme grâce à ça. Oh, d'énorme, j'en sais rien. Chevalier et Las Palais, ils ont créé la Matmut. Ah voilà. Est-ce qu'ils ont créé un hôtel à partir de cette maison? Non. Est-ce que c'est un couple qui a hérité? Ah oui, oui, ça, oui. Les De Gaulle. Et c'est ça qui rend. Oui, Colombelle et deux églises. Colombelle et De Gaulle. Exactement. Bonne réponse de Florian Gazan. Attends. Yvonne et Charles de Gaulle deviennent ainsi ce jour-là propriétaires de la boisserie qu'ils avaient achetée en viager, puisque c'est Alice Bombal, la propriétaire des lieux, veuve d'un architecte parisien, qui leur avait proposé la boisserie en viager au prix de 45 000 francs à l'époque, et contre une rente annuelle de 6 000 francs, Madame Bombal continuait, elle, évidemment, à vivre à la boisserie. C'est sûr que si c'était un meurtre, ce serait un scandale, effectivement. Et oui, deux ans après avoir signé, eh bien, De Gaulle la noie dans sa... Qu'est-ce que je veux dire? Bienvenue dans Cluedo. Avec le chandelier. Le général avec le chandelier dans la salle de bain. Non, mais avouez quand même que c'est peu de temps. Hein. Est-ce qu'on a croisé Pasqua dans le village, hein? Et puis ça n'arrive pas souvent quand même, des gens qui se noient dans leur baignoire. Ah ben écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que deux ans après avoir signé le viager, les De Gaulle étaient propriétaires de la boisserie à Colombelle et deux églises. C'est louche. Oh, c'est louche. Non, on va pas accuser le général d'avoir tué Madame Bombal. Non, mais c'est Bombal noyé. Viager, loyer, viager et libérer. Non mais on est bien obligé de dire quand même que c'est une bonne nouvelle pour eux, quoi. Ah oui, c'est ça. Ils ont dû se frotter les mains en se disant, deux ans, pensez pas que ça allait être si rapide. Mais c'est ça qui est terrible. On est obligé de se réjouir de la mort des autres avec un viager. C'est atroce quand même comme concept. Ah oui, c'est le concept. Ah ouais, mais c'est difficile. Et moi, tu sais ce qui m'intéressait dans le cas où c'est le bouquet. Comment ça, le bouquet? Le bouquet. Quand tu vends ton appartement en viager, surtout une dame comme moi qui a 90 ans, les gens se réjouissent. Vous ne les avez pas encore. Bouquet, mais il y a le bouquet. Énorme bouquet. Vous recevez un bouquet de fleurs. Non. Ah bah non, à l'enterrement, c'est une couronne. Une couronne avec marqué à bientôt. Non, le bouquet, c'est la somme initiale que l'on vous donne. On te donne une grosse somme. Enfin, une grosse, si t'es très très vieille comme moi, on te donne une somme quand même conséquente. C'est vrai, plus t'es âgé, plus le bouquet est gros. Ah, voilà. Parce qu'on imagine qu'il y aura moins de mensualité. Alors, vous pensez bien que je me suis renseigné, parce que c'est pas tellement énorme. Ah bon, combien? Non, même pour une vieille comme moi. Combien, c'est? Mais je ne le fais pas. Ah non? Non. Je vends un tableau. Ah bon? Un tableau de qui? Ah, c'est le bouquet, ça. Ça alors. C'est quoi? C'est les iris de Van Gogh. C'est ça, le bouquet? Non, mais c'est pas mal non plus. Arrête tes conneries. C'est qui? C'est Zawuki. Quoi? Qui? Mais c'est immense, Zawuki. C'est le plus grand peintre chinois. Ben voilà, on a trouvé une acheteuse. Elle va prendre tout le reste. Parce que c'est pas nous qu'on l'aurait pris, son Zawuki, là. Non, Zawuki. Mais je connais Zawuki. Non, mais si t'as vu ça, ignorant. Ça représente quoi? C'est le plus grand peintre chinois. Et le plus coté. Eh bien, on peut dire que Claude est sauvé. Parce qu'un Zawuki, c'est des millions. On peut vivre sans connaître Zawuki, quand même. Si, Claude, je vous assure. Mais pourquoi pas celui-là? Parce que c'est un faux. Il n'est pas signé. On dirait du Zawuki, mais il n'est pas signé. C'est un faux, alors ça. Non, c'est du Damiado. Vous qui étiez un copain de Revel, donc il est venu à la maison. En tout cas, ce chinois, il ne savait pas qu'il allait sauver un vieux tableau. Une vieille croûte. C'est chiant, c'est qu'il y a des taches de rillettes du Ricard dessus, parce qu'elle s'en est servie comme table basse pendant longtemps. Tu grattes le stéradon, tu retrouves la toile. Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau? C'est quoi? Un dentier. Alors voilà, tu veux que je te dise? C'est figuratif? Ah oui, c'est important. Non, c'est pas figuratif. C'est abstrait. Mais c'est la période la plus chère. Ah oui? C'est 62. Ah oui? Et vous, qui est venu à la maison encore pour me le dire? François-Marie Bagnier. Alors, attends, mais j'ai pas compris. Wookie, c'est quoi? C'est Wookie, c'est son prénom? Wookie, c'est son prénom. Mais tu étais ignorant, alors toi, t'es pire que ton patron. Alors, je vais te dire quelque chose. En chinois, le nom de famille est en tête. Ah, Mao, voilà. Tse-tung. Au moins le mien, l'autre jour, j'appelle pour appeler un commissaire-priseur, etc. Et je dis, j'ai un Mao Tse-tung à vendre. Et alors? Alors la dame me dit, ah bon? Alors je dis, attendez, je confonds peut-être. Jacques, j'appelle toujours Jacques parce que je me rappellerai. Alors il arrive, je dis, ça c'est quoi? C'est un Mao Tse-tung? J'ai toujours l'appareil. Alors il me dit, non, c'est un Zaou. Et Jacques est très emmerdé parce qu'il y a bien longtemps qu'il a remplacé le vrai par un faux. Il a mis une carte de menu de restaurant chinois. Alors là. Chez Zabouki. Non, je vais vous dire. Et l'audience va être d'accord avec moi. Vous trouvez pas ça ignoble que le pauvre débris que je suis serve de tête de turc à cette émission maintenant. Oh ouais. À mon avis, Claude, le tableau vaut plus que l'appartement. Pas du tout, tout trop. Alors, il est estimé à combien le tableau? Ça peut. Enfin, ça dépend. Tu sais pas l'époque, de quel Zaouki? Non, l'époque, la taille, mais enfin, maintenant, je sais qu'il y en a. C'est les plus chers tableaux du monde maintenant, les Wookiees. Claude, ça t'embête si je te paye en ancien franc? Tu te trompes, je me suis Ariel, moi j'ai du mobilier chinois, j'ai une table de ping-pong. Ça vaut combien? Pas cher! Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Coucou, c'est moi, la chouette. Chez Concept Alu, ils n'arrêtent plus. Ils font des vérandas, des extensions de maisons, des abris de piscine et même des pergolas. C'est trop chouette, leurs innovations pour le confort de l'habitat. Et en ce moment, prix exceptionnel sur toutes les vérandas. Véranda Concept Alu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Détails et conditions sur conceptalu.com. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptés pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Géant. C'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. La troisième pizza restaurante 4 fromages Dr. Oetker est gratuite. Soit les 3 pizzas Dr. Oetker à 4,23€ au lieu de 6,36€. Géant pour vos soirées foot, non? Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Pour jouer face aux grosses têtes, inscrivez-vous rtl.fr. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Christine Mico est au téléphone. Bonjour Mikos, Christine. Mikos. Bonjour. Non, bonjour pas, tout le monde. Pas Mikos, Mico. Mikos Aliagas. Elle habite au Havre en plus, Christine. Ah. Mais je ne vous connais pas. Non. Vous ne me connaissez pas non plus. Ah ben, je vous connaissais de vous voir à la télé et de vous entendre à la radio. C'est déjà pas mal. Non, mais je vérifie qu'il n'y a pas de tricherie quand même dans les coulisses de RTL. Pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine? Ben, je ne travaille plus parce que je suis en arrêt longue maladie. Oh, ben écoute, alors on vous souhaite de vous distraire en écoutant RTL et les grosses têtes. Oui. Tous les après-midi, c'est ce que vous faites? C'est ce que je fais, oui, oui. Et j'écoute RTL toute la journée aussi. Christine, excusez-moi, vous auriez des tableaux chez vous? Non, je vous ai entendu, là. Non, je n'ai pas de tableau, malheureusement, mais bon. Mais vous allez peut-être pouvoir partir, en revanche, au Luxembourg, l'hôtel... Ah, vous avez de l'argent à placer? L'hôtel romantique Bel Air Sport and Wellness vous attend au Luxembourg. L'hôtel Bel Air est magnifique, situé au cœur d'un parc de 4 hectares. C'est quasiment un château, une forêt traversée par de nombreux chemin. C'est l'ancienne ville du Luxembourg, Echternach, qui est accessible à pied par une petite promenade le long de la forêt, vous voyez. Ah, ça c'est chantant, c'est chantant. Je ne connais pas le Luxembourg, mais allez voir sur le site hôtelbelair.lu. Ah ben oui, c'est comme pour nous FR, vous voyez, pour la France, c'est LU pour le Luxembourg. Hôtel-belair.lu. Bon séjour au Luxembourg, si vous répondez à la question qui vient, Christine. Vous êtes prête, vous avez révisé? Oui. Alors attention, 10 000 convives ont payé à peu près 190 euros chacun. J'ai fait la conversion. Ça fait cher. Pour pique-niquer hier, il y avait 500 tables dressées. Quel était ce pique-nique? Quel genre? Bah attention, si, mais je Claude. Sais, je sais. Oh là, on lui laisse 10 secondes. Est-ce que c'était en tous les ans? Est-ce que c'était en France? Ah, ce n'était pas en France. Non, j'ai lu, mais je me souviens. Oh, Christine. Cherchez, Christine. Il faut essayer de trouver la monnaie, déjà. 10 000 convives. Chacun a payé à peu près 190 euros. J'ai fait la conversion. Et d'ailleurs, l'argent sera reversé à des associations caritatives. Est-ce que ça se passe en Europe? Ça se passe en Europe. Ben oui, enfin, oui, pour l'instant, on peut encore appeler ça. Oui, oui, alors j'essaye de vous aider, Christine. 500 tables dressées. C'est pour une jolie fête, en plus. Alors, il faut y aller. Sous la pluie, la reine d'Angleterre. C'était quoi? Le jubilé de la reine d'Angleterre. Ah oui, c'était en Angleterre. Ah oui, mais c'est trop tard là maintenant, Christine. C'était effectivement pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre, ses 90 ans. Je suis désolé, bonne réponse de Claude Sarraute. Oh, quand même là. Oui, oui, mais c'est vrai, je l'ai lu, et puis c'est vrai. Ah bah oui, là, Christine, alors, je peux pas vraiment, alors je peux rien faire pour vous. Non, non, bah non, mais c'est le jeu, hein. Ah oui, puis la question était facile, en plus. Ouais, puis elle voulait gagner, Claude, en plus, hein. Ah ouais. C'est-à-dire, habituellement, je réponds tout le temps quand je suis derrière la radio. Claude, t'as pas honte, tu as fait perdre un cadeau à cette dame. Non, alors attention, elle va quand même gagner quelque chose. Ah. Car cette semaine, RTL s'avère très, très généreuse, puisque nous allons envoyer à tous les participants, même quand ils perdent, bon, vous avez perdu le voyage, certes, mais vous allez recevoir une centrifugeuse Juice and Smooth. Non, d'abord, qu'est-ce que c'est une centrifugeuse? Ça te concerne, c'est pour les légumes. Non, mais ceux qui ont encore du jus. ils sont odieux. Oh, c'est vrai qu'on n'est pas gentil. Une centrifugeuse Smooth, Juice and Smooth à l'occasion. C'est la fête des fruits et des légumes, frère. Ça existe. Oui. Partout en France, jusqu'au 19 juin, c'est la fête des fruits et des légumes frais. Un événement 100% dédié aux fruits et légumes. Mais comme ça, c'est comme l'ençon. Un événement organisé par Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Et chaque année, on met à l'honneur les fruits et légumes frais auprès du grand public. Voilà pourquoi nous vous offrons cette magnifique centrifugeuse. Et ça marche, la centrifugeuse. Ah oui, oui. C'est comme les astronautes, hein. C'est la force... Elle se met dedans, elle. La force gravitationnelle, voilà, ça tourne à toute allure, et les fruits sont écrasés sur les côtés, voilà, et puis elle est fournie. J'en ai vu une. Ah oui. Oui, oui. Ouais, dans mon quartier, il y en a une. Qui se balade. Qui se balade. Non, aventure. En tout cas, votre centrifugeuse, Christine, sera fournie avec deux disques, un pour le jus, l'autre pour les smoothies, afin de varier les textures. Il y aura aussi, évidemment, une verseuse grande capacité. dis donc. Et Christine, je rajoute une montre RTL. Ah, et en plus, une montre RTL, Christine. Je vous remercie. C'est déjà pas mal, tout ça, on n'est pas tout perdu, vous voyez. Et vive la fête des fruits et légumes frais. Les grosses têtes sur RTL. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Ça nous est arrivé la semaine dernière. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Mais bon sang, mais ils veulent quoi, qu'on aille à la soupe populaire? Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. J'ai entendu parler d'amour, de fraternité, des choses qui font du bien, quoi. RTL midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. Et si vous tombiez dans le coma? Le coma des mortels. Un coma dont vous sortiriez avec une incroyable envie de tuer. Le coma des mortels. Le coma des mortels, le plus assassin des romans de Maxime Chatham, chez Albin Michel. Leclerc. Chérie, en ce moment, c'est la foire à la bière chez Leclerc, avec des promos sur les bières. Du coup, j'ai refait le plein de Kronenbourg. Mais c'est quoi ce pack de bière? Un pack de 40 bouteilles, avec 30% de remise immédiate. Ah, ok. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 40 bouteilles de 25 centilitres de Kronenbourg, avec 30% de réduction immédiate, est à 10,50€, soit 1,05€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Là, on a de la Kronenbourg. Ah oui, je confirme. Chez Cogedim, nous travaillons chaque mètre carré pour concevoir les plus beaux appartements. Il y a le mètre carré lecture, près de la fenêtre. Le mètre carré des grandes créations culinaires. Le mètre carré devoir de maths, bien calculé. Et le mètre carré enfin seul. Maman ! Pour devenir propriétaire de vos mètres carrés à vous, jusqu'au 13 juillet, Cogedim vous rembourse vos 6 derniers mois de loyer. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'informations sur mètrecarré-cogedim.com. Offre soumise à condition. 16h-18h, les grosses têtes de RTL avec Laurent Ruquier, cet après-midi Laurent Baffy, Claude Sarraute, Florian Gazan, Bernard Mabie, Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. Une question pour Monsieur Thomas Leven qui habite Saint-André de la Réunion. Et la question concerne un certain Patrick qui a commencé à faire parler de lui dans les années 80. Mais Patrick qui? Patrick Sébastien. 1880. Ah oui, alors c'est pas Patrick Sébastien. 1880 même, peut-être je pourrais pousser jusqu'à 1890 pour être très précis. C'est un rapport avec la Saint-Patrick? Pas du tout. Est-ce que c'était un commerçant? Non. Est-ce que c'était un Français? Je vous demande son nom de famille. C'est un lien avec Van Gogh? Non, ce n'était pas un Français. Un Britannique? Alors Britannique, on peut dire. Un Écossais? Un Irlandais. Un Irlandais. Il a inventé quelque chose? Alors, en quelque sorte. Son nom est resté connu parce qu'il a laissé un produit, par exemple? Non. Dans les années 1890, ce dénommé, ou plutôt ce prénommé, Patrick, a commencé à faire parler de lui. C'est pas Patrick Macadam qui a inventé le Macadam? Non. Est-ce que c'est Mac quelque chose? Non, il s'appelle pas Mac. Patrick Hooligan. Bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé les gros cons? Ouais. Eh ben oui, exactement, il a inventé les gros cons, c'est le cas de le dire. Le hooliganisme est né de son nom de famille, Patrick Hooligan. Il a multiplié les pains. S'est fait connaître, effectivement, dans les années 1890, pour faire régner la terreur, lui et toute sa famille, la famille Hooligan, dans une petite ville irlandaise. C'était dans les années 1890. La presse, évidemment, a commencé à parler de cette famille, les Hooligan, qui terrorisaient toute la région. C'est dingue. Et c'est ainsi que le hooliganisme était né. Mais pourquoi terrorisait-il le village? Vous voulez dire que les hooligans étaient sa propre famille ou c'était déjà des gens du village? Non, c'était sa famille. C'était les hooligans. Si jamais les Dombals avaient attaqué tout le monde, on dirait le Dombalisme aujourd'hui, par exemple. C'est un peu comme les Dalton. Il y a un truc dont on n'a pas assez parlé, franchement, c'est la cérémonie d'ouverture. J'en ai vu des trucs pas terribles. Ah, on aurait dit une kermesse, mais alors là, c'était cheap. Pour le match, c'était super, mais avant le match, vous l'avez vu la cérémonie d'ouverture? Je l'ai vu, il y avait des sortes de danseuses de French Cancan, mais on a l'impression qu'il y en avait la moitié qui était restée bloquée dans leur heure avec les grèves et qu'il en manquait la moitié. Donc c'était des chipperies. Non, puis on comprenait pas bien. Il y avait des gens avec des grosses bouches, il y avait des déguisés en grosses bouches rouges de faire des bisous. Il y avait des petits spermatozoïdes. Guetta au milieu qui était là, qui s'agitait. Ouais. Ça, il est là pour ça. C'est comme le seul mec qui peut mixer les mains en l'air. Moi, je sais pas comment il fait, mais. Enfin, mais il a que deux notes à gérer, ça va. Hein. On va lui offrir une centrifugeuse. Alors Guetta, enfin, il était là la veille et le lendemain. Oui, il a fait la même chose, mais de jour et de nuit. Ah ouais. Et entre-temps, il est rentré à Ibiza pour mixer, parce qu'il est un peu court tous les mois, donc il faut qu'il fasse des heures supplémentaires. C'est pas vrai. Ouais, il a pris un jet, il est rentré à Ibiza, il a mixé la nuit, il est revenu à Paris le lendemain. C'est pas possible. Oh la vache. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi qu'est-ce qu'il est allé foutre à l'Élysée? Non mais quand on dit mixer... Pas à l'Élysée, à Ibiza. Putain, j'achèterai pas tes oreilles en viager. Oh là là là là. Mais j'ai des appareils. Claude, mets-le sur 8 quand même. J'ai des appareils. Ouais, mais t'es pas sur la bonne radio là. Mais non, mais on me met des appareils dans les oreilles. Il faut les changer au bout d'un moment. Mais non, mais avec ces trucs qu'on me met ici, ces espèces de machins, un casque, ça s'appelle. Hein, ouais. J'ai peur de mettre mes appareils. Tu as un bel appartement, mais des problèmes de pavillon. Hein. Allez, une autre question, une question opéra pour Ariel Dombal. Ah et oui. C'est Barbara Gross qui habite Phnom Penh au Cambodge qui, elle, va peut-être gagner 300 euros. Et la question concerne Aïda, le célèbre opéra, peut-être le plus célèbre des opéras d'ailleurs. Ben, je connais mieux Heidi, moi. Aïda de Giuseppe Verdi qui va se jouer, qui se joue même à l'Opéra Bastille en ce moment. Et c'est jusqu'au 12 juillet prochain, cette mise en scène sous la direction de Daniel Oren d'Aïda de Verdi. Dans Aïda, évidemment, on sait que c'est le nom Aïda de l'esclave éthiopienne dont est amoureux, ben, justement. Qui est amoureux d'Aïda dans l'opéra Aïda? Orlando, non. Raled, non. Parce qu'il chantait Aïda. Aïda, écoutez-moi, Aïda, t'en vois pas. C'est un officier égyptien. Éthiopien. Ali. Égyptien. Omar Sharif. Un ténor égyptien qui tente de devenir héros national en étant désigné chef des armées et qui espère ainsi séduire l'esclave éthiopienne. Oui. Est-ce qu'il a un nom Nasser. À consonance égyptienne Nasser. Il a un nom à consonance égyptienne, arabe. Nasser, non. Sadat. Sadat, non. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'actualité? Oh non, non, non, mais c'est un nom qu'on connaît. Hein. D'ailleurs, je crois même que je vous avais déjà piégé il y a peut-être un an et demi, deux ans avec cette question, mais elle revient régulièrement jusqu'à ce que ça rentre. Obélisque. Oui. Obélix, non. Obélix. Bah, c'est égyptien. Non, on a quand même là une spécialiste de l'opéra. Mais je sais, je vous déçois, mais je ne me rappelle plus le prince éthiopien. Fetnat. Fetnat. On a le ténor qui chante. Ah, ça va nous aider. Ça devrait vous aider. Peut-être évidemment. Son nom va vous revenir. Bien sûr, sûrement. Tino Rossi. Andrea Bocelli. C'est Pavarotti qui chante. Hein. Vincent Niclot. Oh non, arrête. Amaury Vassili. Il dit pas son nom à un moment donné ? Non. Est-ce qu'on connaît son nom ? Est-ce qu'on l'a lu ailleurs son nom ? Que chez Verdi. Laurent ? Non. Il écoute. J'écoute. Il est mélomane. Céleste Aïda, beauté divine, mystérieux mélange de lumière et de fleurs, tu es la reine de mon âme, la radieuse splendeur de ma vie. Voilà ce que chante le... Le monsieur. Le monsieur, la personne. Comme ça me rappelle la pub, la musique Est-ce de Verdi. Est-ce que c'est un nom court? Ah, c'est un nom court en trois syllabes, quand même. Ah, quand même, oui, donc pas trop. Alors... Ali Baba. Ils terminent d'ailleurs emmurés vivants quand même. Avec Aïda, tous les deux, ils sont emmurés vivants. Ah bah au moins ils c'est sont un, ensemble. C'est un nom comme Héphisto. Ah non, non, c'est pas un nom comme Héphisto. Ouvrez cette putain de porte. Et chérie Papageno, Papageno, c'est dans quoi? Papageno, c'est dans Mozart. Papageno, c'est une discothèque à Saint-Tropez. Non. Papageno, c'est pour les primaires des Républicains. C'est que ça nous fait un candidat de plus. C'est vrai. Ils en sont à 12 ou 13, non? Et c'est un méchant dans l'opéra? Ah mais non, c'est pas un méchant. Lui, il est là pour, évidemment... C'est un amoureux. Sauver l'Égypte, être amoureux de cette esclave... Et construire une éthiopienne. Et voilà. Et puis, il a pas de chance parce que... ben voilà, en plus, il se trouve qu'il doit combattre contre le père d'Aïda. Vous voyez ça? Ah, c'est le Cid. Non, ça, c'est pas non, le Cid. Non, c'est pas le Cid. Le Cid de d'où? Néfrougo... Non, non, non. Colique néphrétique? Non, non. Et la première lettre, ce serait quoi, à votre avis? Ah bah la première lettre, faut pas rêver. On peut avoir un indice quelconque, un rébus. Bon alors le chef des armées là maintenant. Il vous reste 30 secondes. Hein. Bon allez, je vais vous aider, ça commence par un R. Ah. Ramsès. Non, mais on se rapproche. Ramsus. Rému. Non, Rému, non. Vous voyez, là, Ariel, avec l'initiale... Mais non, Ramina Grobis. Non, est-ce ça, c'est un chat. Est-ce que c'est un nom de pharaon? Ah non, c'est pas un nom de pharaon. Rambo. Non, Rambo. Rantemplan. Ribéry. Résus. Reins. Non, écoutez, franchement, c'est bien triste. Ramonjo. Oui. 300 euros pour Madame Gros au Cambodge. Elle va, elle va voir arriver un chèque de 300 euros à Phnom Penh. Tant mieux pour Madame Barbara Gros. 300 euros et il s'agissait de Radames. Radames. On connaît Radames. Oui, Radames. Jamais entendu parler. On peut dire ah oui, c'est vrai, mais bon, je ne le dis pas. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL. Pendant l'Euro, il y aura des footballeurs anglais, italiens, français, portugais, croates, russes, allemands, turcs. Et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur peugeotwebstorepro.com. Bon, prenons une élève. Petite 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petit 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions. Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TAEG fixe sur 12 mois. Ben oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 euros, ça vous fait 12 mensualités de 421 euros, soit un montant total dû de 5 041 euros. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Suite des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL avec le retour de Claude Sarotte. Une question pour Monsieur Louis Cabot de Rouen. Et la question concerne les Gègues qui sont au nord et les Tosques au sud. Mais au nord et au sud de quoi ? D'un pays imaginaire ? Non, pas imaginaire. C'est anatomique. Ah, c'est pas anatomique. C'est un pays. C'est un pays. Un pays d'Europe, deux tribus. Les Gègues vivent au nord, les Tosques au sud. Ça fait sentir la Yougoslavie, tout non, ça. Non, l'Italie, vois. Toscane. Ah, la Toscane, non. Est-ce que c'est un pays d'Europe? Alors, c'est un pays européen, oui. Oui ça, en Grèce, d'un côté, il y a les Gègues et de l'autre côté, il y a les Faunes. En Espagne. Ah, c'est pas en Espagne. Est-ce que c'est un pays qui participe à l'euro? Ça, c'est une bonne question, monsieur Gazan. Il est malin. Oui, c'est un La Croatie. C'est un pays qui participe à l'euro. Un pays des Balkans. Et ce n'est pas la Croatie. La Suède. Slovénie. Est-ce que c'est un pays de l'Est ? L'Albanie ? Bonne réponse de Florian Gazan, c'est l'Albanie. Tirana. Capitale Tirana, c'est quand même eux qu'on va affronter lors du prochain match. L'équipe de France de football, les Bleus, vont devoir affronter les Albanais. Et c'est quoi les Gègues alors ? Est-ce qu'ils sont bons les Albanais ? Oh, ils ne sont pas terribles. Non. Enfin, meilleur que la Macédoine. On les a vus contre les Suisses. Non, ils ne sont pas. Mais Laurent, c'est quoi alors les Gègues et les Tocs là ? Pas les Gègues. Ça t'intéresse, hein ? Les Gègues, c'est quoi ? L'Albanie est un pays très homogène ethniquement parlant. La population est composée d'Albanais de souche répartis en deux groupes. Les Gègues au nord. Les Tubs au sud. Et les Tosques. Non, pas les Gègues. Les Gègues et les Tubs. C'est bien, c'est un beau pays. Les Gègues et les Tosques. Vous voyez. Claude, vous n'êtes jamais allé en Albanie ? Non. Jamais. Non. Mais c'est à moi qu'on le demande. Vous ressemblez tellement, c'est dur de ne pas vous confondre. Voilà, c'est ça. Il y a un air. Non, mais je ne me rends pas très bien compte où est l'Albanie par rapport à la Croatie. C'est juste un peu au-dessus, alors. Voilà. Claude, expliquez à Ariel. Oui, sûrement. Je vais te donner un cours de géographie, mon bébé. Tu vas sortir de là. Une tête grosse comme ça. Et voilà. Vous avez l'air en forme. Je trouve plus en forme que la dernière fois. Ouais. Ah, mais je suis de mieux en mieux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Elle a pris de la coke. Je prends. Ça y est, t'as raison, mais c'est pas de la coke. C'est une capsule que je mets dans de l'eau le matin en réveillant. Dans de l'eau un peu chaude. Je rajoute une goutte de citron Croyais une goutte de calva. Le calva, c'est pour le soir, c'est pas du calva, c'est du... La vodka. Non, c'est là où on était, c'est... Comment j'adore ? Le rhum. Ah oui. Et alors ? Mais tu bois beaucoup, Claude ? Ah oui. Je commence à 6 heures. Ah ouais ? Ah bah juste après les grosses têtes. Du matin ? Ah non. Non, de l'après-midi, je me lève à midi une heure. Ah ouais. Mais alors, à 18 heures. Attendez, vous faites la grasse matinée jusqu'à midi une heure ? Non, c'est le temps de se lever. Elle se réveille à 9 heures, mais elle est debout à midi. Elle reste allongée, elle appelle ça une répétition. Tu commences à boire à 18 heures, mais tu bois jusqu'à quelle heure ? Ah, jusqu'à 2h du matin. Ah bah voilà, ouais. Non mais elle boit pas, elle infuse. Mais alors Claude, quelles sont vos boissons alors de prédilection ? Parce qu'elles ont l'air d'être tout ce qui lui tombe sous la main. Mais non, c'est un très mauvais goût. Le champagne, j'aime pas trop. J'en bois quand je sors, mais je sors plus. Mais l'alcool à 90, elle veut. Hein. La jouvence la de vodka, la baie souris. La vodka. Toujours une bouteille au frais. Hein. Ma mère, 99 ans, c'est une con, bouteille hein, de vodka au pied du lit, qu'elle buvait au goulot, et pas glacé comme ici, à la russe, elle était juive russe, elle la buvait au goulot, tiède, comme à la russe, à la température de la chambre, 99 ans. Ouais, oui. Et Jeanne Calment, elle prenait de l'héro. Et la tête, elle a écrit son meilleur livre, tu savais quand il est paru, elle était dans la Pléiade, Attendez, là, maintenant, je vais faire... Voilà, maman, je te fais un petit hôtel. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train de parler avec quelqu'un, là. C'est très étrange. J'ai vraiment vu autant de parenthèses en une seule phrase. Est-ce que quelqu'un lui parle dans l'oreille? Je sais pas. Non, c'est pour ça, c'est premier... que... Ça, c'est à moi qu'elle a pas parlé à personne. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Ouais, elle déballe tout. Elle déballe c'est tout. Curieux, là, elle discute avec elle-même, en fait. Même son chat s'est donné la mort, là, mais... Ah ben, je vais vous le dire quand même. Alors. C'est le premier écrivain français... vivant qui est entré dans la Pléiade. Ah. Mais il y a Dormesson depuis qu'il est entré. Mais depuis, bien sûr, n'importe qui. À quel âge il a écrit le dernier livre, là, le fond 97 formidable. Ans, mon chéri. Oh là là. Ah, donc ça veut dire. Et d'ailleurs, il faut le Ils dire. Ils auront dû refaire éditer la Pléiade. Ça va peut-être vous arriver, Claude Sarraud, puisque je sais que vous êtes elle est en train d'écrire son livre aussi, oui, Claude. Mais là, je suis découragée, tu sais pourquoi. Non. Je pensais un truc à mettre dans un livre, et puis dans le nouveau livre. Puis je me dis, mais il me semble que tu as parlé de ça déjà quelque part. Je rouvre. Alors je demande à Jacques, il nous reste 4-5 exemplaires. J'ouvre ça. Il y a 15 ans que je l'ai écrit, ou 20, je sais plus. Je ne me rappelais plus du tout ce qui se passait. Et c'est votre livre? À mon livre, à moi. Et comme Nabila. Mais le plus dur, comme Nabila dit, donc t'as lu ton propre livre. Mais... Alors, j'ai lâché celui que je suis en train d'écrire, et j'ai commencé à lire les vieux. Ah, ça, c'est quand même une belle histoire. Vous vous relisez, en fait. Qu'est-ce qui va corriger le livre? Ah, alors là. Bah, qu'est-ce qui va l'écrire surtout? Ah, bah non, c'est Claude. Alors, non, mais j'ai beaucoup de mal à taper. Ah, alors, ouais. Les enfants m'ont donné un ordinateur pour vieillard. Eh ben, c'est beaucoup trop compliqué pour moi maintenant. Je sais plus m'en servir. Alors, j'écris à la main et j'ai un monsieur, un jeune homme. Il a 63 ans. Un gamin. Bah, pour moi, oui. Un ado, ouais. Un bébé. Il a presque 30 ans de moins que moi. Alors, il est adorable. Il vient et il me le tape. Et il arrive à te relire? Non, mais. Non, je lui dicte. Il a quelqu'un de plus jeune qui le fait pour lui. Une autre question pour monsieur Warneven Lebrun, qui habite Aidé en Ille-et-Vilaine. Qui fut le premier à prononcer cette fameuse phrase? Il faut savoir arrêter une grève. Ah! Ça, c'est Churchill. Ah non. Thorez. Maurice Thorez. Bonne réponse de Bernard Mabille. Le numéro 1 du Parti communiste en 1936 fut le premier à prononcer cette fameuse phrase reprise souvent depuis. Ouais. Il faut savoir arrêter une grève. Alors, ça se prolongeait la phrase quand même. Hein. Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction a été obtenue. Ah oui, d'accord. Même si tout n'a pas été obtenu. Voilà. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais qu'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles. Voilà. Voilà ce que disait à l'époque Thorez. Tu peux dire bravo, Sarraute, quand même. Ben non, c'est Bernard Mabille qui a trouvé la réponse. Ben oui, bien sûr, mais moi je connaissais par cœur. Je te la laisse, Claude, je te la laisse. Oh non. De toute façon, c'est une vieille qui a trouvé. Quel rapport? Alors là, mes chéris, c'est nul. Ben, ça veut dire que tu l'as connue de ton vivant, cette phrase. Vous étiez mais là? Non, je viens de la lire dans les journaux, connard. Bigard, garde ce corps. Très en forme. C'est le dernier One Man Show de Jean-Marie Bigard. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est beau le costume, c'est super réussi le costume. Oh, ben Gazan, il y a longtemps que vous n'avez pas traité de connard comme ça. Oh, le lâcher de vieille salope. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le Mont Ventoux, ses côtes abruptes, sa chaleur étouffante. Une expérience sensorielle entre épuisement physique et déshydratation. Amateurs de défis, risquez la chute libre à flanc de montagne et plongez au cœur d'une nature vierge et épineuse. Tour de France, suivez le guide dans Vélo Magazine. Équipe, favoris, étapes, tout ce qu'il faut savoir sur la grande boucle est dans Vélo Magazine. Et en cadeau, le poster du Tour. Pure McCartney. Le nouveau best-of de Paul McCartney. Inclut Bend on the Run, Maybe I'm Amazed, Live and Let Die et près de 40 tubes. Pure McCartney, le nouveau best-of de Paul McCartney avec RTL. Ouba, ouba, hop. J'ai vu quand t'as lu. Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon enfin. Boulébi. Les Schtroumpfs. C'est Schtroumpfs de Schtroumpfs. Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Avril, tais-toi. Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. J'ai vu quand t'as lu. En partenariat avec RTL. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de Simon. Simon ? Ah, c'est qui Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de Simon, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149€ par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149€ hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Information sur Volkswagen-utilitaire.fr. Pour peut-être gagner le contenu de la valise, eh bien inscrivez-vous hein, sur RTL.fr ou encore par SMS. Code valise au 74 900. Le tirage au sort, c'est maintenant et bonne chance à vous. RTL. C'est l'heure de la valise. 1 400€ dans la valise RTL, plus l'album d'Hélène. Hélène Rollès. Plus une semaine de vacances avec Marmara. Marmara, c'est pas le nom du type avec qui vous partez en vacances. Hein. C'est évidemment le club vacances Marmara qui vous offre cette semaine. Il y a en tout donc deux choses. C'est facile, hein, c'est une valise très légère. Deux choses à retenir, plus les 1 400€ de départ. Je vais demander semaine de vacances après avoir écouté le disque, c'est pas de trop. Je vais demander à Claude un numéro entre 1 et 20. Et c'est Ariel Dombal qui téléphone. Pour Claude, à notre auditeur ou notre auditrice. Et qu'est-ce que je dois faire, moi ? Un numéro entre 1 et 20, Claude. Ah, tout de suite, 9. Le numéro 9. Il s'agit de Teva Tremel qui habite... Oh non, mon Dieu. Mon cuc. Ah, ça devait arriver. Le hasard fait bien les choses. Ouais, ça c'est vraiment mal. C'est là que j'ai mal. Mais je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Ça sonne à mon. Ça a été jumelé avec Escar. Ça sonne à mon cul, si j'ose dire, Claude. Ariel. Ça sonne dans mon cul, là, quelque part. Et c'est Teva Tremel qui va peut-être décrocher. Le Québécois. Merci de laisser un message après le bouton. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez raccrocher ou taper on va la pourrir. Pour le modifier. Le Canadien. Bon, autre numéro alors, Claude Sarotte. Alors, 13. Mathieu Jackzuk, qui habite Point-les-Vallées. Vous notez, Ariel, oui. Point-les-Vallées. Point-les-Vallées, c'est dans l'Aube. Et Mathieu Jackzuk va peut-être décrocher, on l'espère en tout cas. Ça va sonner, hein. Ne soyez pas impatiente, je vous vois trépigner, Ariel. Ça va venir. Oui. Elle fait des doigts, c'est pas bien. Non, elle trépigne. Allô, monsieur Mathieu Gadzuk. Oui. Allô. Oui, vous habitez bien Point-les-Vallées. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, vous avez été élu. Est-ce que vous devinez, cher Mathieu Gadzuk, pourquoi vous avez été l'élu ? Non. Mais pour, il a peur là. Il faut dire qui c'est, alors, il va raccrocher. C'est les témoins de Jéhovah là. Tout le public de RTL et les grosses têtes est là. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Gadzuk, on vous appelle pour la valise. Oui, alors je dois avoir mon papier qui doit être noté par là. Il faut vite le chercher. Il y a du monde autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Oui, je suis avec mon collègue, ouais. Avec votre collègue. Faites quoi dans la vie ? Je fais des prélèvements d'eau, je fais des analyses d'eau pour contrôler la qualité de l'eau du robinet. Ah, très bien. Donc il est en vadrouille, Mathieu. Donc vous êtes en train de... Parfait. Je suis en vadrouille avec mon collègue, ouais, c'est ça, tout à fait. Vous pourriez... Vous êtes en train d'analyser l'eau du robinet de votre collègue. Ouais. C'est ça. Ah, ça, c'est un beau métier. Ça s'appelle longinisme. Il y a du calcaire. Bon, on vous dérange peut-être. Non. Vous lui mettez un coup de calgonf. Monsieur Gadzuk, ne vous laissez pas intimider par ces schnappants. Pensez à la valise. Et vous n'avez pas reconnu Ariel Dombal en plus. Non, je ne l'avais pas reconnu au début. Je ne l'avais pas reconnu. C'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas non plus. Hein. On n'a pas tous les jours un coup de fil d'Ariel Dombal. Et c'est tant mieux. Et j'ai Claude Sarotte qui est là aussi, qui va vous en parler. Qui était là. Mais il sait même. Hein oh, il sait plus qui je suis. Mais si, bonjour Claude, si, bien sûr. Mais c'est vrai, tu te souviens de moi. Bien sûr. Ah bah alors c'est mignon ça. Elle t'avait inspecté le robinet à l'époque. Elle aussi elle a des problèmes de fuite, si vous pouviez passer. C'est ce qu'elle a fait de mieux dans sa carrière. Elle a rarement bu de l'eau du robinet, crois-moi. Jamais. Non, je crois pas, ouais. Alors, le contenu de la valise, RTL. Alors, j'ai retrouvé mon papier. Alors, le contenu, c'est 1004 euros. Oui. Un album de Hélène Rollès. Oui. Et une semaine de vacances pour deux personnes avec Marmara Voyage. Vous avez gagné la valise, RTL. C'est tout. Il n'y a que ça dans la valise. Oui, il n'y a que ça dans la valise. Oui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. T'as pas de chance, mon vieux chéri. Il n'y a rien dedans. Oh, mais si, il y a une grande semaine de vacances. Non, mais voilà, et 1000 euros. Ouais. Et 1000 euros. Et ben voilà. Claude, tu peux pas rajouter le tableau d'Imochi, là? Le tableau de Zawuki. Mao, c'est tout. Non, mais c'est bien pour les vacances, 1004 euros. Bah, tu m'étonnes. Tout à fait, bah ouais, un petit voyage, ça va être sympa avec ma femme, mon fils, c'est génial. Comment s'appelle votre épouse ? Magali. Bah, quand vous allez rentrer ce soir, on va dire Magali, peut-être d'ailleurs qu'elle vous aura écouté. Elle écoute les grosses têtes l'après-midi ? Je pense. Bah, peut-être qu'elle vous entend, alors Magali, faites-lui un petit signe. Annoncez-lui que vous avez gagné la valise RTL. Eh ben, peut-être qu'elle reviendra. Ça y est, Non, ça va. Je pense qu'elle n'est pas encore partie. Ça y est, on a gagné, on part en vacances. Ça va être sympa tous les deux. Bisous. Mais oui, c'est gay. Et vous pouvez lui acheter un beau cadeau avec les 1004 euros. On a fait déjà les vacances. Voilà, mais alors, ça, c'est une idée que tu lui donnes qui est navrante. Mais oui. Pourquoi navrante ? Parce que je voulais. Attends, c'est lui qui l'a gagné quand même. Achète-toi un écran plat. Il n'a pas tout dépensé avec cette pute. Mais oui, achète-toi un écran plat pour regarder l'euro, mon bonhomme. Vous aurez compris que Laurent Baffy est là aussi. Hein. Oui, j'ai bien entendu. Ouais. Et j'ai une petite histoire. Ah, allez-y. Ah. Alors, c'est un couple de ch'tis, ils s'engueulent. Et la femme dit, j'en ai marre, je te supporte plus, tu me saoules, je veux divorcer. Et le mari lui dit, bah, même si tu divorces, on sera toujours frère et sœur. Hein. Oh non. Très bonne. On embrasse nos amis du Nord qui nous écoutent. Et ça vous fait rire, vous, alors? Oui, tout à fait. Vous devriez avoir honte. C'est bon. Mathieu Jackzuk a gagné la valise RTL. On l'applaudit. Bravo, Mathieu. Et évidemment, on va tout de suite ajouter une nouvelle somme dans la valise RTL. Claude, un peu plus de 1000 ou un peu moins de 1000 euros, à peu près. Un peu plus. Il faut que je donne une somme? Oui. 1120. 1120, je prends. Allez, 1120 euros. Jacques Expert ne va pas être content parce que c'est un peu beaucoup, mais tant pis, je les mets, les 1120 euros. Pour me faire pardonner, c'est ce que je vais glisser dans la valise RTL, justement, le nouveau livre de notre directeur. Très bien, excellent livre. C'est magnifique. Ça mérite. Alors là, s'il y a bien un livre qu'il faut lire cet été. Et il faut même l'acheter en double pour l'offrir à ses amis. Moi, j'ai rarement lu un aussi beau. C'est un roman. Mais j'ai rarement lu un aussi beau. Comment faire carrière en étant incompétent? Je trouve qu'il y a plein d'astuces. Hortense, ça s'appelle. Non, franchement, je vous jure, il est très très lu, hein, Jacques Expert. C'est un polar, il est roi du polar. C'est le roi du polar. Non, mais notre directeur n'est pas seulement directeur, il est écrivain. Ça y est, le livre est en librairie, ça s'appelle Hortense. C'est signé Jacques Expert, c'est aux éditions Sonatine. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Je vais être honnête, hein, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Et vous ne lirez pas, Laurent. Tu ne vas pas le saper aux yeux du patron. Cet été, sur la plage. Mon expert. Voilà, chacun a son livre de Jacques Expert dans les mains. Mais qu'on aura acheté, évidemment, parce que c'est évidemment. Important. Ah oui. Évidemment. 1993, Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, presque 3 ans, qu'elle élève seule. Celle-ci lui permet d'oublier les rapports difficiles qu'elle entretient avec le père de cette dernière, qu'il a abandonné alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un jour pourtant, il fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. Regarde-la, nous allons disparaître et tu ne la reverra plus. C'est jamais sans ma fille. Franchement, là, c'est un bon suspense. Hein. Ah ouais. Voilà. Alors, elle va la retrouver. Et Laurent, lisez juste la dernière page. Ah bah non. Non, mais quand même, les précédents ont très bien marché. Deux gouttes d'eau aussi, qui ont été des gros best-sellers. Et ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. C'est son 4e roman, Hortense. Je le glisse dans la valise RTL. Hortense, signé Jacques Expert aux éditions Sonatine. C'est pour vous, monsieur le directeur, que je le mets dans la valise. Voilà. Bravo. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. MAFAssurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça, pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. Conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party Volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. RTL, première radio de France. Il est 17h. Les infos Marie Guerrier. L'Espagne, tenante du titre, a fait son entrée dans l'Euro cet après-midi sur une victoire, Christian Olivier. Oui, mais ouf de soulagement pour les joueurs espagnols. Il aura fallu attendre la 87e minute de jeu au Stadium de Toulouse pour la délivrance. Iniesta, côté gauche, un centre. Le métronome Iniesta, l'homme du match incontestablement, centre sur la tête de Gérard Piqué et but, le seul but, mais le but de la délivrance pour l'équipe espagnole, effectivement, double championne d'Europe, qui bat d'une courte tête donc la République tchèque, malgré une domination de tous les instants. 72% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre. On n'est pas loin d'un record dans un match de très haut niveau. C'est suffisant, un but un seul avec 3 changements de Del Bosque pour donner plus de peps et de tenus à la défense, ou plutôt à l'attaque espagnole. Quant aux Turcs, eh bien Fabregas a joué les défenseurs, un sauvetage sur sa ligne. Darida, le joueur tchèque, également a vu un joli tir repoussé des 2 points par Cech. 2 occasions donc, ou plutôt par De Rea, le buteur, le gardien de but espagnol. Mais ce but est suffisant et il permet aux espagnol au classement de revenir à hauteur de la Croatie, 3 points alors que dans ce groupe B, bien la République tchèque et la Turquie ferment la marche, 0 point victoire au Stadium de Toulouse de l'Espagne face à la République tchèque sur le score d'1-0. Merci Christian Olivier, on entend qu'il y a de l'ambiance dans le stade de Toulouse. Dans une heure, le deuxième match du jour opposera la Suède à la République d'Irlande et ce sera au Stade de France. 2 premiers supporters, 2 Britanniques de 20 ans et 41 ans viennent d'être condamnés à des peines de 2 mois et 3 mois de prison ferme pour leur participation aux violents incidents de samedi à Marseille avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils dormiront ce soir en prison. 8 autres supporters sont jugés cet après-midi mais aucun de nationalité russe. Les Russes sont passés entre les mailles du filet policier. En cette fin d'après-midi, François Hollande est à Colombelles-les-Deux-Églises pour se recueillir sur la tombe du général de Gaulle et devant la Croix de Lorraine. Avant de quitter Paris tout à l'heure, le chef de l'État est allé à l'ambassade des États-Unis pour dire sa solidarité au peuple américain après la tuerie homophobe d'Orlando. La France soutiendra toujours le combat pour l'égalité et la dignité et poursuivra aux côtés des États-Unis sa lutte implacable contre le terrorisme, a déclaré François Hollande. La tour Eiffel s'illuminera ce soir aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté gay. Le Sénat vient d'entamer l'examen du projet de loi travail et demain, les syndicats opposés au texte promettent une manifestation nationale énorme à Paris. Le préfet de police a décidé d'interdire de manifestation environ 130 personnes qui ont déjà été interpellées lors de précédents défilés. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marie. Tous ces titres seront développés bien sûr dans RTL Soir. Absolument, nous reviendrons sur toute cette actualité, mais également nous traiterons d'une actualité plus positive avec un événement, Luc Besson. Il vient de terminer le tournage de Valérian, le film le plus cher du cinéma européen. Eh bien, il a réservé à RTL sa première interview pour nous raconter donc ses 6 mois de tournage dans sa cité du cinéma à Saint-Denis, à côté de Paris. À tout à l'heure, Marc-Olivier. À tout à l'heure. Et maintenant, votre rendez-vous pronostic pour l'Euro, et c'est avec Bertrand Latour. Et le match du soir, c'est une belle affiche. Belgique-Italie à 21h au Parc OL de Décines. Affiche à suivre évidemment en intégralité sur RTL. La cote pour une victoire belge est à 2,65. Le match nul à 3,10 et la victoire italienne à 3,25. Cote sujette à évolution. Opposition de style ce soir entre les deux formations. La Belgique compte sur son attaque pour faire la différence. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Dries Mertens notamment. Et la défense, en l'absence du capitaine Vincent Kompany, pose question. Du côté italien, c'est l'inverse. La défense sera l'atout numéro 1. L'excellent Gianluigi Buffon dans les cages avec les défenseurs expérimentés de la Juve devant lui. En revanche, aucune star offensive pour apporter de la créativité. Prochain rendez-vous pronostic dans RTL Grand Soir d'Euro avec l'équipe à 20h15. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La météo de demain, régime d'averse et d'éclaircies sur quasiment tout le pays. Il fera beau près de la Méditerranée. Les températures seront dans une fourchette de 16 à 28 degrés du nord au sud. 19 prévus à Paris. Il est 17h04, vous êtes sur RTL. Bien sûr, c'est la suite des grosses têtes avec Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Laurent Baffy, Christophe Beaugrand, Florian Gazan, Ariel Dombal et Claude Sarraud. C'est notre reine, à Claude. Qui a dit à poil? C'est pas moi, c'est ma fille. C'est pas malin, ça, Beaugrand. Dis pas à poil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à poil. Non, mais Alors là, les enfants, cachez-vous sous vos fauteuils. Parce qu'elle va le faire. Si je vois, non. Je suis pas folle. Non, mais déjà, Claude, retire les dents pour voir. Tu veux? Non. C'est les dents le verre à tremper. C'est pas vrai, Claude, je suis sûr que vous avez encore beaucoup de succès. Ah ouais. Et que est-ce que je peux vous raconter le plus grand succès de ma carrière? Allez-y. Je faisais la télé avec ce connard, avec ce très grand animateur que nous adorons tous, notre patron, Laurent Ruquier. Elle arrive encore à lécher à son âge. Hein. Et je dis... Si c'est l'histoire de la colle pour le dentier... Ah oui. Vous nous l'avez raconté 18 fois. Mais toi, tu te tais maintenant, je viens plus. Alors, donc là, moi, je les ai, mes 11 lettres. Et puisque j'ai dit que mes dents tenaient avec de la colle. Ouais. Alors, les lettres, c'était toutes la même. Madame... S'il vous plaît, quelle colle, point d'interrogation. C'est fini l'histoire? Oui, regarde le succès que ça a. Forcément, au bout de la 90e fois, elle fait moins rire. Non. Je suis sûr que vous, aucun de vous là ne la connaissait. Non, je ne la connaissais pas, mais elle était pas dernière, très drôle. Tu termines en beauté quand même. Mais en fait, tout s'enlève. C'est une vanne que tu peux faire dans le monde entier, ça. Mais tu ne vois pas l'autodérision. Ah, c'est ça. La drôlerie, quand même. Deux, la finesse. Ouais. Oh, quand même, vous êtes mes amis. Et la façon de raconter, c'était vraiment, ouais. Il y avait du suspense. Mais tu sais que tout s'enlève. Peut-être un petit problème de chute, peut-être. Bon, allez, ouais, on enlève tout ça au montage. Elle est lucide, quand même. Une question pour Jean-Paul Bueil, qui habite Moinsartou dans les Alpes-Maritimes. La Sidamila perspectalis. C'est un insecte? Alors, ce n'est pas tout à fait un insecte. C'est une espèce d'insecte. Oui, vous avez raison. Larve. La Sidamila perspectalis est actuellement énormément crainte. Mais pour quelle raison? C'est moustique. Non. Est-ce que ça vole? Ça vole. Est-ce que ça pique? Alors, ça ne pique pas. Ce n'est pas un moustique. Est-ce que c'est un... C'est un fléau. C'est une plaie. Un fléau, mais migrant. Il vient d'ailleurs. Oh, bon, ça, écoutez, j'en sais rien. Les criquets. C'est important, parce qu'il y a des mouches, des abeilles qui viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est en France? Elle vient d'Asie, la Sidamila perspectalis. Ah, c'est la guêpe-tueuse. Ce n'est pas la guêpe. C'est un frelon. Le frelon. Mais c'est vrai. Ah, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui rampe comme une. Comme une vieille. Oh, bah ça va! Je ne rampe pas! Moi, je roule! C'est l'alcool, ça! C'est la déroulette, ouais! Bah oui, bientôt! Bah oui! Bon, non, Laurent, est-ce que ça vole? Ça vole, oui. Et c'est vecteur d'une maladie ? Alors, c'est vecteur d'une maladie, mais ce que je vous demande, c'est surtout, qui ou qu'est-ce qui craint... Les arbres ! Alors, mais lesquels ? Les peupliers. Ah, ben ça, mon cher. Les platanes. Non. Les cyprès ? Non. Pas les cyprès. Les oliviers. Les oliviers. On se rapproche. Les chêniers. Les chêniers. Les cerisiers. C'est partout en France. Les bouleaux. Et alors, je peux vous dire qu'au château de Versailles... Les platanes. Les buis. Marronniers. Les buis des jardins, les buis... En effet, le ou la Cydamila perspectalis. Ah oui, c'est des petites chenilles qui pondent. Exactement, c'est un papillon, on l'appelle aussi la pyrale. Mais oui, il faut plus mettre de buis, pyrale. Pareil, qui bouffe tout. La pyrale du c'est buis. Vrai. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les jardins français sont en péril. Ça, c'est affreux, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment le patrimoine. Ils en vendent en plastique, très bien. Attends, c'est tellement beau, les buis. Non, toi, t'es les belle. Buis taillés. Les buis, c'est horrible. Non, c'est merveilleux. Et c'est beaucoup de buis pour rien. Non, mais il faut les acheter en plastique. Ils en vendent des très jolis en plastique. Ah, maintenant. Mais non, mais je vous jure que les buis sont en train de mourir partout dans les jardins. Chez moi. Ah, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et je traite de façon naturelle. Mais je veux dire, le jardin à la française est construit autour de la taille des buis et des pierres. Absolument. Le nôtre, Versailles, c'est du buis. Non, l'arthopierre, c'est l'arthopierre. C'est pour ça que c'est si laid, mon cœur. Non, c'est tellement beau. À Vaux-le-Vicomte, on est désespéré puisque sur les 270 000 pieds de buis que compte le jardin du château de Vaux-le-Vicomte, eh bien 30% sont déjà morts. Non, parce qu'un buis est centenaire. Toujours. C'est pas... vrai, le mais buis. Attends, chérie, t'emballe pas, j'y suis pas encore. Tu es passé au tailleur. Pas centenaire, j'ai même. J'entre dans ma 90e année le mois prochain. La Cydamila perspectalis est en train de tuer tous les buis un peu partout en France, à Versailles comme à Vaux-le-Vicomte, mais aussi dans les jardins privés. Non, mais ça me touche particulièrement parce que je rends un petit hommage posthume à mes grands-parents qui avaient un château en Bourgogne et qui avaient les buis les plus hauts et les plus grands, les buis taillés les plus grands d'Europe. Donc je sais ce que c'est qu'un buis, c'est une chose merveilleuse. Ah oui, tandis que moi, sur mon balcon, les géraniums... Ouais. Il n'y a pas de pyrale des géraniums, non, ça existe pas. Il n'y a pas de pyrale. Dans votre jardin, Laurent, ça aussi... Oui, chaque année, j'ai sauvé mes buis l'année dernière, et là, j'ai trouvé un produit naturel... je pulvérise un petit peu et voilà, il faut se sauver. Mais donc, c'est un nouvel insecte, Cydamila perspectalis d'Asie. Cydalima perspectalis. Et ça fait un an ou deux maintenant qu'il attaque. Je sens qu'elle va aller chez Cabé Jardin. Elle va se tromper dans ses notes et elle va dire « Je voudrais du Radamès ». Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S. Si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle, il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances, comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20 prix d'un appel local. Bon plan, entretien auto ? Eurorépar Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59€ pour toutes les marques. 59€? Oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59€. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépar.fr. Direction Compiègne aujourd'hui pour les courses avec vous Bernard Glaze, bonjour. Bonjour Isabelle, pour l'arrivée du Quintet qui était la deuxième épreuve, il y avait trois noms partants, le 3, le 5 et le 16. Le numéro plus 2298 est la bonne combinaison, le 12, le 8, le 6, le 15 et l'As. Arrivé et rapport de la sixième épreuve, là c'était un pic 5, il y a trois noms partants, le 4, le 14 et le 18. C'est le 9 Mister Splendid qui s'impose, 14,40 et 3,80 devant le 11 Snow and Ice, 3,70. C'est le 17 qui fait des aigles, 3,40, 4e le 6, 5e le 3 et puis la 7e épreuve, 4 noms partants, As, 3, 11 et 14, victoire du 9 Galiteo, 4,80 et 1,80 devant le 7 Kings Hollow, 3,70 et le 8 L'Optimiste, 3,50, 4e le 13, les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 32,10, le site onrefaitlescourses.fr. Vous nous conseillez quel cheval demain ? Vous connaissez Zlatan ? Zlatan in Paris court le quintet de demain. Il est peut-être meilleur à deux pattes qu'à quatre pattes, mais à quatre pattes, c'est pas mal non plus quand même. C'est favori, c'est le numéro 2 dans le quintet de demain. Merci Isabelle. Écoutez, je vous en prie, à demain Bernard. Et nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Laurent, 22 ans, Laurent Matignon, un jeune auditeur au téléphone. Exactement, bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour Monsieur Laurent, c'est là qu'on voit qu'il est jeune, c'est quand on vous appelle Monsieur Ruquier. Ah ouais. Ouais, ça fait vieux d'un coup. À Château-Landon en Seine-et-Marne, vous êtes étudiant ? Exactement, je suis étudiant, oui. En quoi ? En école de commerce. École de commerce. On sent qu'il se drogue. Hein, il est en période d'examen, là. Vous avez des chouchous, j'aime bien savoir ce que les jeunes ont comme préféré, qui sont leurs chouchous dans les grosses têtes. Alors. Bah écoutez, moi j'adore Monsieur Baffy avec son humour un peu cinglant, moi j'adore ça. Et j'ai découvert l'humour aussi de Monsieur Nadine, et vraiment vous me faites pouffer de rire. Ah vous voyez, il le fait pouffer. Pouf, Bernard, tu fais vivre bien de pouffer. À propos de pouf, qu'est-ce que tu penses d'Ariel? Quel scandale. Ah oui, chez les femmes, chez les grosses têtes féminines, quelles sont TV, hein. Quelles sont vos préférées? Ah bah écoutez, j'ai écouté dernièrement Ariel Dombal et vous me faites rêver avec Florio. Elle est drôle. Elle est très drôle. Oh Laurent. Un jour elle te fera bander, tu verras. Il y a Claude Sarraute aujourd'hui, il faut lui dire quelque chose, parce que sinon elle va faire la gueule. Je ne sais pas forcément qui est Claude Sarraute, il est trop jeune. Mais oui. Je suis un peu jeune, c'est vrai. Ouais. Parle fort, merci. Il a dit. Eh oui, il vous connaît pas, Claude. Non. Et non. Tu te rends compte. T'as vu Jurassic Park? Ah non, mais ça, c'est. Alors, ça passe vite. Je vais vous dire, les enfants, oui. Jamais j'ai eu un coup aussi fort sur la gueule. Merci. On vous enverra une photo de Claude Sarraute et un de ses livres, comme ça vous saurez qui c'est. Non, mais une photo d'il y a 50 ans. Ah oui, bien sûr. Oh, c'était déjà pareil. Ah, non. Il y avait déjà un déambulateur. Ah. Non, non, c'était les vrais dents il y a 50 ans. Oh. Je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, c'était très jeune. Oh, le bon caractère. Vous allez partir en croisière, Laurent. Vous êtes prêt? Écoutez, je suis prêt. Ouais. Les croisièresnet.com, numéro 1 de la croisière en France. Allez voir sur croisièresnet.com, un choix de 3000 croisières différentes. Oula. Vers 45 destinations possibles au meilleur prix. 290 agents de voyage à votre disposition par téléphone ou sur le site internet. Alors, la croisière est tout inclus, hein, de 4 jours, 3 nuits pour 2 personnes en Méditerranée, à bord du Zénith pour vous. Une croisière Sole Mio qui vous amènera de Marseille jusqu'à Florence et Bastia, puis retour à Marseille. www.croisièresnet.com. 1260 € la valeur de la croisière à bord du Zénith. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Mais en pension complète. Vous allez être dépaysé. Vous allez pouvoir partir avec votre copine. Laurent, vous êtes prêt à jouer, j'en suis sûr. Je suis prêt, ouais. Il faut retrouver le nom du cycliste qui vient de gagner ce week-end le Critérium du Dauphiné et qui, quand même, déjà, est le vainqueur en titre du Tour de France. Ah, je sais. Voilà, là, dépêchez-vous, parce qu'a priori, Florian Gazan a l'air très celui sûr de lui. Celui qui a gagné l'an dernier, il a gagné l'an dernier. Poulidor. Enfin, elle est plus maintenant un Poulidor. Elle est au taquet. C'est la plus vieille n'est pas celle qui C'est Christopher Froome. Christopher Froome, il est né à Nairobi, mais il est anglais. Christopher Froome, c'est gagné. Bravo. Hein, vous ne connaissiez pas son nom, hein, vous ne rappelez pas en fait, du nom du dernier vainqueur du Tour de France. Vous n'intéressez pas au cyclisme en fait. Si, si, puisque j'avais écouté juste l'année dernière, je connaissais mieux le prénom et le nom du deuxième, qu'on connaît bien. Ah, et dans notre école. C'était qui le deuxième? Romain Bardet. Ah oui, c'est vrai, mais c'est un Français, là, Rolibi. Un Français, oui, exactement. Il a fait deuxième, je crois, au Dauphiné. Il a fait deuxième, oui. Ah, c'est ça, hein. Eh ben, Laurent, ouais. Vous êtes vraiment super spécialiste, vous avez vraiment gagné la croisière. Non, il a un ordinateur. Non, pour le coup, le Froome, je le savais. Le Froome, je l'ai lu hier, j'ai eu de la chance. Vous êtes d'accord pour emmener Claude Sarraute avec vous sur la croisière? Ah, oui. Eh bien, écoutez, on fera connaissance comme ça, c'est parfait. Ah ouais, ouais, ouais, t'auras pas de mal à me reconnaître. C'est le truc qui flotte. Bon, je suis pas sûr, hein. Vous allez bien vous amuser parce qu'on s'amuse bien avec Claude. Et puis on picole, hein. Ah ouais. Ça, on rigole. Elle tient bien. Hein, à mon avis, elle va vous coucher, faites attention. Ah oui, hein. Elle tient c'est vraiment. C'est mamie vodka. Hein. Ah oui, c'est mamie vodka, mamie pruneau, comme on l'appelle. Je fais attention maintenant. Ah bon? Oui, je fais parce que je buvais beaucoup de rhum et de whisky avant de me coucher. Ah oui. Maintenant, j'ai peur de tomber. Ah. Donc elle dort, elle boit couchée maintenant. Non, en allant de la cuisine, là je dors dans le bureau de mon ex mari. Non, feu mon mari, pardon. Ex, ça fait divorcer, mais feu, ça fait mort. Alors, oui. Donc, tu l'as pas tué? Non. Parce que feu. Non, j'ai pas tué du tout, pauvre enfant. Je l'ai laissé crever. Ha ha ha ha!

Il est mort vieux en plus, hein. Il est mort à 77 ans. Farinelli. Farinelli. Ah, oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il castrato. Le célèbre castra Farinelli, Ariel, Broski. Enfin. Oui, mais oui. Quand il n'y a pas de couilles, ça l'intéresse pas. Elle pensait que c'était Broski Beat. C'est quand même fou parce qu'à l'époque, quand même, il subissait réellement une castration. Hein, ah c'est bah ça. Oui, oui, oui. Ça fait pas si mal. Ah, je voulais que vous m'expliquiez. Quand on castre, on coupe les boules ou on. Oui, mais on laisse le sapin. Non, sérieux. Comment mais en quoi ça t'intéresse à ton âge? Non, je ne veux pas mourir idiot. Non, mais je crois qu'on coupe les canaux, mais qu'on laisse les coucougnettes. Oui, en décoration. Les castrats n'étaient pas tous châtrés, comme on dit. Parce qu'on peut avoir une voix de haute contre, c'est-à-dire. La voix d'un enfant, d'un adolescent. Quand tu jouis, t'as une voix de contre-rue. On parle pas comme ça, Ariel Dombal. Ah, Claude, dites-lui à Laurent Baffi qu'on parle. J'ai pas très bien compris. J'ai compris que c'était cochon. Mais j'ai pas bien. Et je regrette de ne pas avoir bien entendu. Mais Ariel, ça veut dire que c'est une ça donne une voix de femme quand un castrat, c'est quoi? Voilà, non, c'est ça bloque la mue. L'autre contre à la paire, mais on souvent ce qu'on appelait, c'est très aigu. On appelait les castrats. On leur coupait. Non. Il y en a beaucoup qui étaient des hautes contres. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on reste avec cette voix d'enfant extrêmement. Voilà. Et maintenant, il y a encore beaucoup de hautes contres, comme vous savez. Qui ne sont pas castrés, vraiment. Voilà, voilà. Et la voix est la même. Ah, comment c'est un castrat, alors? Oui, c'est à peu près ça. Et pourtant, j'en ai, hein. Elles sont peut-être amovibles. Vous en avez déjà rencontré des castrats, vous? Oh, bien sûr, j'ai même chanté une cantate, la cantate 78 de Bach, avec un haut de contre. Viro, et lui faisait la même voix. C'est gênant pour une jeune fille, comme disait ma grand-mère. C'est gênant pour un monsieur d'avoir cette voix-là. Eh bien, justement, figurez-vous qu'on lui a fait tellement la guerre parce qu'il était tellement beau, alors il y avait toujours les blagues. Oh, mais est-ce qu'il l'est ou est-ce Ariel, qu'il l'est toi, pas quand tu chantes, moi, ça me casse les couilles. et donc, ce merveilleux garçon qui s'appelle Loiseleur des Longchamps, Octavien Loiseleur des Longchamps, il y avait pas que pour a décidé de ne plus être haut de compte tellement c'était d'une étrangeté merveilleuse. Non, il est devenu baryton. Mais quand il parlait normalement. Il est... Mais oui, ouais. c'est, je vous dis, c'est une technique vocale et c'est aussi des capacités vocales. Tandis que Farinelli, il n'est plus rien du tout. Dire que Farinelli, c'est à 10 ans qu'il a été castré. Ils n'ont pas eu le temps de descendre, ils étaient enlevés. Il est emmené à Naples vers 1714-1715, alors qu'il est né en 1705. Donc, vous voyez, il a 9-10 ans. Et c'est vraisemblablement là, à Naples, qu'il subit la castration. Oh. Après, il a chanté du Abba. Et ensuite, il est admis au prestigieux conservatoire. Il a eu une bourse. Et c'est à quelle époque qu'il a chanté Vanina, alors? Dev n'est pas castrat, enfin. Il est encastrable. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument, jusqu'au 18 juillet pour 30 euros d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1 euro. Et demain, c'est Dublin et Berlin. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1 euro par tranche de 30 euros d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Simon ? C'est qui Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro et j'ai le plaisir de vous annoncer que les fameux 2 mois gratuits pour la souscription d'une assurance auto avant le 24 juillet 2016, c'est aussi pour les pros. Et oui, aussi, pensez-y. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Conditions en agence et sur MAF.fr. Retour de vos grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier. Et puis cet après-midi, le retour, vous le savez, de Claude Sarraute avec Laurent Baffy, Florian Gazan, Bernard Mabie, Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. Une question pour Monsieur Bernard Otto qui habite Malakoff. Farrell, Milan et Noah sont tous les trois frères et ils peuvent être fiers. Mais fiers de qui ? De leur papa. Oui. De Dimitri Payet. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Vous intéressez au football, vous, maintenant. Attends, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un match dans le stade. Ah oui ? J'avais jamais vu de match de foot. T'étais dans les douches, d'habitude. Non, c'est après. J'avais vu à la télé. Vous étiez au Stade de France ? Oui, j'étais au Stade de France. Et vous avez vu alors Dimitri Payet pleurer ? Mais oui, j'ai vu. En sortant du terrain, c'était tellement émouvant. Il était ému d'avoir marqué ce but quelques minutes avant la fin du match. Je veux dire, c'était très, très émouvant. C'était dans les arrêts de jeu, en plus. Ah oui, alors, il paraît que Nicolas Sarkozy a raté le but. Mais oui, parce qu'il est parti avant, parce que c'est vrai que c'était très compliqué l'accès, donc il a dû vouloir se barrer plus tranquillement, donc il est parti juste à la fin du match, il restait 3 minutes de temps additionnel, et c'est pendant ces 3 minutes que Dimitri Payet, il a fait cette lucarne. Et il paraît que François Hollande, je vous jure que c'est vrai, a juste dit cette phrase, il suffisait qu'il parte. C'est drôle. On dirait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Il suffisait qu'il parte. Ça paraît incroyable quand même. Je vous jure que c'est vrai. On vous croit. Toujours est-il qu'il est sorti en pleurant, et même le petit garçon, c'est peut-être pour ça que vous avez retenu son nom, Noah, qui je crois à 6 ou 7 ans, a été interrogé, le fils Payet. Ah, il était mignon. Vous l'avez vu ? Oui, il a dit, c'est mon papa qui tient les plus beaux coups francs au monde. Et ouais. Il a dit ça, c'était trop drôle. C'était chouette quand même. Parce qu'on a gagné quand même. Le début, c'était un peu chiant. Hein. Ah bon ? Ah bah, je sais pas, moi, je comprenais pas les règles en même temps, donc c'est peut-être pour ça. Ah mais... oui. Non, mais le tout début. Ça, c'est sûr que c'est pas du patinage artistique. Ouais. Hein. Non, mais il se passait pas grand-chose quand même au début. La première mi-temps, on a failli prendre un but au bout de 2 minutes. C'était un très beau match. Je sais pas, moi, j'étais coincé. Il y avait 3 Roumains juste à côté de moi qui hurlaient tout le temps. Qui faisaient le pare-brise. Il faisait bravo, bravo, il criait. Alors racontez-nous. Il faisait le haillon arrière. Il y avait des people un peu. Il y avait qui comme people ? J'imagine que vous étiez là pour ça, pour les people. Mais oui, j'étais là. J'avais été invité par le patron de TF1, donc j'y suis allé. Il y avait Nikos, il y avait Nicolas Canteloup, il y avait Arthur, qui m'était assis à côté d'Arthur. Il a racheté le stade d'ailleurs. Donc il a privatisé. Il y avait Pascal Obispo, il y avait pas mal de. Non, mais il y avait qui comme vedette, sérieux ? Non, mais. Il y avait lui. C'est déjà pas mal. Alors tout le monde note d'ailleurs que Karim Benzema a tweeté après le but de Payet pour dire que c'était bien parce que Payet avait marqué un but et que la France gagnait, mais quand même personne ne note qu'il n'a pas tweeté quand Olivier Giroud a marqué le premier but tout de même. C'est vrai. Mais il a posté une photo sur Instagram où il était donc en train de regarder le match quand même. Il avait l'air tout triste. Bah oui, mais il aurait quand même pu tweeter dès le premier but de Olivier Giroud. Il a attendu la fin. Bon, c'est son rival. Voilà. Payet, il est passé au Havre, non ? Exact. Ah, il a été formé au Havre. Ah. Comme vous, Laurent. Mais je me posais la question dans les stades. Oh merde. Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit d'apporter donc des trompettes, des drapeaux, des fumigènes, de l'alcool, des barres de fer, tout est permis. Les drapeaux, on a le droit, mais les fumigènes, non. Non. À fumigène, on n'a pas le droit. Il y en avait pourtant, non. Mais en tout cas, Dimitri Payet a été le héros du match et l'île de la Réunion, et parce qu'il faut quand même le rappeler, évidemment, c'est son île d'origine. Et oui, c'est pour ça qu'on dit Payet. Comme Manu Payet. Comme Manu Payet, vous voyez. Voilà. Donc, les gosses de Céline Dion ne sont pas des enfants de Payet. Oh, toi, t'as trop d'esprit, mon père. C'est le in vitro style. Et vous, vous étiez devant le match avec une bière, Claude, racontez. C'était à 21h, c'est tard. Mais, non, mais, allez, mais je me couche à 2h, crétin. Oui, je sais, de l'après-midi, mais... Mais non. T'as la mauvaise place, toi. Hein. Mais n'importe. C'est vrai, qu'est-ce que je reçois, j'ai pris une douche. Depuis que je vais... Non, mais Claude, t'es quand même fier quand la France gagne. Ouais. Mais pas plus que ça. Bah alors, enfin, quand même... Est-ce que moi, je suis resté à 98, là, je déconne comme tout le monde, j'ai pleuré sur les Champs-Élysées, Zouzou, président, j'ai applaudi, black, bleu, blanc. Non, bleu... Non, bleu, ouais, dans le désert, blanc, blanc, beurre, parce que les gens bleus, c'est les schtroumpfs, tu vois ça. Ah, ça, c'est le slogan du Front National. En bleu, c'est tes cheveux. Alors là, c'est presque moi qui l'ai inventé, tellement j'étais fier du mélange. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Attendez. La guerre de 14, tu te rappelles? Il y avait Thierry Roland, à l'époque. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente de traîner ici depuis 90 ans. Et tu voudrais te réincarner en quoi, Claude? En bouteille. Non, j'ai toujours picolé à volonté. Non, tout va bien. Simplement, j'ai mal. Où? On va pas te demander où. Non, ne me demandez pas. Elle est comme l'équipe de France. Là où elle a mal, c'est derrière. Oh non, mais écoutez, il y a le milieu de terrain là. Votre Parisien du Paris Saint-Germain, il a pas très bien joué non plus. Non, il là. Était pas très bon. Matuidi là. Kanté était très bien. Ah, on la ramène pas au PSG. Ah, je la ramène. Et pourtant, Carla a fait une chanson sur lui. Ah oui. Quelqu'un qui est Matuidi. Que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Ouais, ouais. Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal. Vous allez aimer la mi-temps à découvrir au rayon boucherie et surgelé. Charal! Pour votre santé, bougez plus. RTL, première radio de France. RTL. Bon. Prenons une élève. Petit 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petit 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper? Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants, voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49€. Et pour seulement 49€, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Business EDF Entreprise propose le service d'assistance dépannage 2 heures pour les pros. Le témoignage de Rachid Rassoul, chef d'entreprise, c'est dans Business Affaires dans un instant. Business Affaires. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette ModuWork, et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179€ par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900€. Détails sur peugeotwebstorepro.com. RTL. La Bourse en direct sur RTL en partenariat avec les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, la reine du jour en bourse aujourd'hui est la volatilité. Et oui, elle revient quand les marchés sont inquiets. Et c'est le cas. Le CAC 40 perd en ce moment 1,5%. Il vient de repasser sous les 4300, 4238 points. Tous aux abris. Voilà ce qu'on entend dans les salles de marché à 10 jours du référendum en Grande-Bretagne. La nervosité est à son comble. Chacun y va de ses hypothèses sur le Brexit. Pour l'heure, les marchés redoutent donc une sortie de l'Angleterre de l'Union et chacun joue à se faire peur. Le mouvement de fuite vers la qualité se poursuit et les boursiers préfèrent acheter les emprunts d'État moins risqués que les actions et du coup, le taux de l'emprunt allemand cote encore en baisse à 0,02%. Autre sujet d'inquiétude, toujours la même, la croissance mondiale trop faible. Ce matin, les chiffres chinois sur les investissements n'étaient pas très rassurants. À Tokyo ce matin, l'indice Nikkei a plongé de plus de 3% après une remontée du yen face au dollar et un repli du pétrole. Alors pour l'instant, le baril tient assez bien, $50.55, même si c'est un peu plus faible que la semaine dernière à $52.83. Après les prises de bénéfices vendredi, eh bien Wall Street en ce moment est stable. Et du côté des valeurs à Paris, eh bien ce sont les cycliques, ce sont les financières qui trinquent. ArcelorMittal, Technip, Safran, -3%. Et puis beaucoup de valeurs perdent 2%. Je ne vous en donne que quelques exemples comme Airbus, Société Générale, AXA, Crédit Agricole ou encore EDF. À demain Isabelle, bonne soirée. À demain Sylvie, bonne soirée également, merci. Retour dans le grand studio de RTL avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Une question pour Monsieur Manu Viera qui habite Dijon. Et c'est une phrase évidemment que tout le monde connaît, mais... Où es-tu Manu Viera? Porte disparu Manu Rieva. Cette phrase que tout le monde connaît, je vous demande évidemment si vous vous rappelez qui en est l'auteur. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Oh. Robinson Crusoe. Non. C'est La Fontaine. Vendredi. La Fontaine, non. Non. C'est, c'est un poète, La Bruyère. Ah, c'est intéressant ça, parce que tout le monde la connaît cette phrase. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. C'est Racine dans les plaideurs. Wallow. Alors, Racine dans les plaideurs. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ça c'est bien Bernard. Quelle leçon pour tous ceux qui le traitent de gros con. Alors qu'il est juste gros. Moi je ne regarde pas le foot, je lis. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. C'est bien un alexandrin de Jean Racine dans les plaideurs. Acte 1, scène 1, vers 2. Bravo Bernard Mabille pour ses précisions. Il est incroyable. Ah oui. Tu me bouches tous les coins que j'ai. Oh là, oh là. Oh là. Ouais, il faut du mastic. Il n'en demande pas tant, Claude. Ouais, hein. Là, il faut du matériel. Hein. C'est de la plomberie à ce niveau-là. Ça va en faire de l'enduit. Allez donc. Une autre citation pour Thomas Farrugia, qui habite La Tour-Bas-Elne. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Qui, alors qu'il était à l'Assemblée nationale et qu'il entendit un député antisémite lui dire « Tais-toi, espèce de bou coupé », répondit « Voilà encore une indiscrétion de votre femme. Je lui avais pourtant recommandé de ne pas vous en parler. » Est-ce que c'est drôle ? Ça, c'est la 4e République, non ? C'est avant la Seconde Guerre mondiale, oui. Il a été président ? Un président, non. Il a été ministre ? Il est ministre, plusieurs fois. Schumann ? Schumann, non. Daladier ? Daladier, non. Mendès France ? Mendès France, non. Le Trocaire ? Le Trocaire, non. Mais les enfants, vous dites, il faut qu'ils soient juifs d'abord. Ah, ça, c'est sûr. Schumann. Michel Boujna ? Arthur. Non. C'est pas Blum, il avait pas l'humour. C'est pas Blum. Sadi Carnot ? Sadi Carnot, non. Il a donné son nom à des avenues ? Ah oui, oui, oui, et quelqu'un de très très connu que vous connaissez tous. Il a un nom à consonance juive, justement ? Pas spécialement. Il en a peut-être changé, tu les connais. C'est-à-dire qu'il... Mais vous avez raison, parce que de son vrai nom, il s'appelait Rothschild. Eh ben voilà. Ah. Et donc il a un homonyme célèbre. Et lui était sans parenté avec la famille des banquiers Rothschild. Mais c'est vrai qu'il était, il a travaillé avec Clémenceau, ça c'est sûr. Il a laissé une loi, quelque chose d'important. Une loi... Il a laissé une gourmette. Est-ce qu'il a une station de métro avec son nom dessus? Non, une station de métro, je ne crois pas, non. Non, il a été ministre des colonies, il a été ministre des postes, il a été ministre de l'intérieur. Il y a très longtemps. Moi, je renonce. Alors là, et donc, il a un homonyme célèbre. Vous, vous le connaissez très bien, Claude. Moi, je le connais très bien. Il a couché avec. Elle l'a connu vraiment Il est mort en 44. Hein. Ah oui, elle l'a connu. Il a été assassiné en 1944. Et alors, il était collabo. Gambetta ? Non, il a été assassiné par des miliciens. Mais il était maréchal, général, un truc comme ça, non ? Ah, il n'était pas maréchal. Non, non, non. Ça dit un résistant français. On lui a tiré dessus. Ah bah oui, manifestement. T'es sûr que je le connais? Ah mais tout le monde le connaît, il a une longue carrière politique. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'il soit tué par des miliciens en 44 en forêt de Fontainebleau. Boulin? Non. Il y a une biographie célèbre qui lui a été consacrée. Non. Ah, écrite par Sarkozy. Exact. Alors comment ça s'appelle? Ah oui, d'accord. Il l'a pas écrit d'ailleurs. Oui, bah non, sûrement. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy a signé une biographie. Nicolas Sarkozy a signé. Oui, sauf la fin, il est parti avant comme il le match. Il vous reste 30 secondes. Et d'ailleurs, cette biographie signée Nicolas Sarkozy a été adaptée à la télévision et c'est Jacques Villeray qui a joué le rôle à la télévision. Le dîner de con. Ça, c'est l'Assemblée, ça. La soupe au chou. Non, écoutez, je suis triste quand même que vous ne retrouviez pas le nom de cet homme politique. Ce gars qui a dû faire ça. Paul Bismuth. Écoutez, voilà. Non, pas Paul Bismuth. 300 euros, donc, de distribuer. Quand même, c'est triste, là. C'est terrible. Franchement, ça ne méritait pas 300 euros, mais ça. C'est bien pour le monsieur. Ça fait oui, plaisir aux gens. On l'appelait le lion ou un truc Thomas comme ça. Thomas Farrugia, qui habite la Tourbaenne dans les Pyrénées-Orientales, touche 300 euros. Et il s'agissait évidemment de Georges Mandel. Alors c'est fou ça. Et donc Georges Mandel s'appelait Mendelssohn peut-être avant. Pas du tout, non, il s'appelait Rothschild. Non, Rothschild. Ah, Rothschild, d'accord. Voilà, encore une bonne occasion de fermer ta gueule. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Rentrer chez soi, refermer la porte, ouvrir une parenthèse. Profiter d'une maison propre et bien rangée. Se faire plaisir, se ressourcer, profiter de sa bulle pour buller, de son cocon pour cocooner. Profiter du luxe suprême, d'avoir du temps pour soi. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local ou sur shiva.fr. RTL, première radio de France. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre un rayon du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Monsieur Lettonné flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide ? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en peluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment ? Allez sur ecoemballage.fr. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Allez-vous découvrir la personnalité cachée avant les grosses têtes de Laurent Ruquier ? RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous auriez retrouvé, vous, Georges Mandel ? Oui, j'avais trouvé. Eh oui, bravo, ben oui. On n'était pas bons, là. Vous mériteriez d'être grosse tête. Hein. Ça tombe bien, il va y avoir de la place à la rentrée. Il y a des grosses têtes qui vont tomber. Ah oui, exactement. Mes camarades grosses têtes, en tout cas, vont maintenant tenter de vous identifier. C'est parti, écoutez bien leurs questions. Vous passez pour un puits de culture ? Non. Enfin, vous passez pas pour un con non plus. Vous faites pipi debout, vous êtes un garçon. Non, d'abord, t'es un monsieur ? Oui, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme ? Est-ce que vous faites partie des plus de 14 millions de personnes qui ont regardé le match vendredi soir ? Oui. Est-ce que vous êtes marié, invité ? Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non. Vous avez des enfants ? Oui. Combien ? Un. Hors mariage. Quel scandale! Oh le péché! Est-ce que cet enfant pratique le même métier que vous, s'il en a l'âge? Non. Est-ce que vous êtes considéré comme séducteur? Ça dépend. Vous êtes plutôt beau garçon, vous pouvez le dire. Moi, je trouve. Mais vous êtes un peu mauvais. et Laurent, vous confirmez ou pas? Ah bah écoutez, c'est pas à moi de juger les qualités physiques de mes invités. Vous savez qui c'est, Laurent, vous? Pardon? Vous savez qui c'est? Il vaut mieux. Ah bah oui, quand même, oui, je l'ai invité, vous voyez. Est-ce que vous avez un fan club? Non. Est-ce que vous avez les moyens de vous payer un Zawuki? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un vieux tableau chinois. Est-ce que vous avez déjà fait l'Olympia? Oui. Est-ce que vous avez des cheveux, invité? C'est un sujet délicat. Ah, vous les perdez donc? Un peu. Ah, il a une moumoute. Non, il assume peut-être la calvitie. Voici un premier indice. Cette musique, invité mystère. Ah oui. Ah oui. C'est hein. Vous qui faites les chœurs? Non. Vous avez composé cette musique? Vous cherchez quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Et you. C'est la musique d'un film dans lequel j'ai joué. Et voilà. Chanteur-acteur. Non, alors, dites pas trop, mais pourquoi chanteur? Pourquoi voulez-vous absolument qu'il soit chanteur? Est-ce que votre activité principale est la comédie? Oui. Ariel Dombal pense que vous êtes Calogero. Non. Ben non, du coup. Vous êtes humoriste également? Oui. Il vous est arrivé de chanter ou pas du tout? Jamais. D'accord. Et humoriste tout seul sur scène? Oui. Laurent Baffy pense à Manu Payette. Êtes-vous Manu Payette? Non. Est-ce que vous êtes plus célèbre pour le cinéma ou pour la scène? Ben, c'est une question, ça. Est-ce que vous avez déjà baisé Julie Gayette? Non, c'est pas ça. Mais vous avez joué, non, avec Julie Gayette, déjà? Oui. Florian Gazan propose Gaspard Proust. Êtes-vous Gaspard Proust? Non. En revanche, je signale que Christophe Beaugrand vous a déjà identifié. Incroyable. Bravo, Christophe, vous êtes le premier. Je connais bien, c'est pour ça. Bernard Mabille, lui, pense à Baptiste Le Caplain. Non plus. Voici un deuxième indice. Ça, c'est la musique d'un générique. Générique d'une série. Ça fait peur, hein. Sur France 2. Un gros succès. Et Laurent Baffy vous a lui aussi reconnu. Ils sont deux. Maintenant, deux grosses têtes savent qui vous êtes. Ariel Dombal, Claude Sarraute, Florian Gazan et Bernard Mabille continuent à chercher en posant des questions. Je crois que je trouve. C'était une série policière? Oui. Ah oui, avec une musique pareille, ouais, c'est policier. Voici un autre indice, le dernier. Allez. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile. La coqueluche des durs au boulot. J'aime mieux faire marrer le prolo que faire penser dans les familles. Que faire penser dans les familles. Deux grosses têtes sur quatre savent qui vous êtes, les autres cherchent encore. Il vous arrive de faire des imitations? Brièvement. Bon, mais moi j'arrête. Hein. Merci, ça l'énerve. Merci de nous aider, Claude. Deux grosses têtes sur six, c'est pas suffisant. Il y a que Beaugrand et Baffy qui ont trouvé. Mais on est quand même supérieurement intelligent avec Lolo Baffy. C'est pas faux. Bon, allez, je vous aide avec un tout dernier indice. Allez. Qu'a des roussels à trois habits. Qu'a des roussels à trois habits. Deux jaunes, l'autre en papier gris. Deux jaunes, l'autre en papier gris. Il met celui-là quand il gèle. Ou quand il pleut. Ou quand il grêle. Ça, c'est franchement, c'est un bon indice, invité mystère. C'est un indice pourri, là, franchement. C'est un peu pourri, mais c'est rigolo comme indice. Mais je vais voir avec ma filmographie. Non, les indices pourris, ça aide Florian Gazan. Ah oui, ça m'étonne pas. très bien. La preuve. Et donc, vous allez pouvoir tous les trois humilier Bernard Mabille, Ariel Dombal et Claude Sarraute. Notre invité mystère, c'est François-Xavier Demaison. Eh oui. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis pour toutes les prestations d'entretien et réparation auto et prenez rendez-vous directement. C'est rapide et pratique. AD. Garage, carrosserie et devis en ligne. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. 194 euros par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non, mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que je sens... Non, on a déjà 25 versions qui fonctionnent. C'est une dernière. Pour 194 euros par mois... La Seat Leon référence est à partir de 194 euros par mois seulement. À ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700 euros suivi de 36 loyers de 194 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Et si on regardait 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6? Moi, hier soir, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai clairement vu que l'attaquant avait marqué avec la main. Moi, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai même vu que c'était avec l'annulaire. Et t'as remarqué qu'il avait une fringue manucure? Bizarre pour un joueur allemand. Ouais. 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6 en exclusivité avec la nouvelle Livebox. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité avec offre fibre et téléviseur compatible. Conditions sur orange.fr. Bon plan, entretien auto. Euro Répare Car Service, il y en a forcément un à côté de chez vous. Ah, moi, pour les vacances, tout est prêt. Enfin, sauf ma voiture. Alors là, je te donne un bon plan. Chez Euro Répare Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques. 59 euros ? Oui, oui. Vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros. Et en plus, je vais te dire, le service est top. Euro Répare Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorépare.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur eurorépare.fr. À suivre sur RTL à 18h, RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogiel, qui recevra à 18h20 Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. L'attentat d'Orlando va-t-il bouleverser la présidentielle américaine? 18h35, le réalisateur Luc Besson, en exclusivité pour RTL. Il vient de donner le clap de fin du film Valérian dans sa cité du cinéma à Saint-Denis. Il nous racontera tout à l'heure ce tournage incroyable. Mais pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. François-Xavier de Maison était bien notre invité mystère. Il sera à l'affiche de L'Outsider qui sort le 22 juin prochain, le nouveau film de Christophe Baratier. On dit bien le nouveau film de Christophe Baratier parce que ses longs métrages sont souvent très attendus à Baratier. On se souvient des Choristes, évidemment, de Faubourg 36. Sauf que là, alors là, il est plus dans la modernité que dans le passé parce que il nous emmène directement à la Défense, au cœur de la Société Générale, où un dénommé, il s'appelle pas ainsi dans le film, mais quand même, on sait que c'est lui, un dénommé Kerviel, va faire beaucoup parler de lui. C'est bien ça, François-Xavier de Maison. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Il s'appelle Jérôme Kerviel dans le film. Ah, c'est vrai? Eh oui. J'avais oublié qu'il s'appelait. J'ai vu le film. Ah, vous avez gardé les vrais noms. Oui, oui. Enfin, y a, non, le sien et il y a deux, trois noms qui sont modifiés. Et toi, tu fais quoi, la société? Je fais son mentor. C'est lui qui le forme, enfin qui le déforme. Le coupable, en fait. Oui, qui le rend. Qui le pousse à, ouais, c'est ça. Qui le pousse à se surpasser. Ouais, l'enculé, quoi. Vous êtes un modèle, en fait, en quelque sorte. Pour lui, oui, exactement. C'est un rôle assez jubilatoire. Attends, mais les gens, t'as vu que maintenant l'opinion se retourne. Exactement. Ah, t'as vu les salauds de la Société Générale. On les embrasse, sur sûrement des annonceurs d'RTL. Et c'est ma banque. Arrêtez, vous allez faire interdire le film. Le film, d'ailleurs, n'est pas spécialement. Enfin, il est un peu favorable à Kerviel, mais pas tant que ça. Ça montre aussi quand même le délire dans lequel... Ça lui rend justice, mais ça ne ménage pas. Ah oui, oui, c'est passionnant, parce qu'on est au cœur de ce qui se passe. On comprend mieux, évidemment, ce qui a pu se passer. On voit cette forme d'émulation, en tout cas de concurrence qu'il y a entre les différents traders, à qui va réussir le mieux et qui va essayer de rapporter un peu comme un Mac, en fait, avec des filles qu'il aurait sur avec notre droit. Des gagneuses. C'est une petite gagneuse. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de ça, quand même. C'est ça, c'est... On rit beaucoup, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont dans une telle bulle de déconnectés qu'il y a du cynisme. Moi, je trouve que le film est vraiment réussi. C'est un peu Jérôme avant Kerviel. C'est marrant que Baratier fasse son beurre avec cette histoire. C'est Arthur Dupont qui joue Jérôme. Ouais, qui est génial. C'est un vrai thriller dans la tradition des thrillers américains. Il y a un côté Loup de Wall Street, un peu. Un peu. Il y a un côté Affaire Pélican, The Firm. Enfin, alors, dites-nous, c'est vraiment, vraiment bien fait. Vous, François-Xavier de Maison, parce que c'est vrai qu'on a longtemps, souvent, et c'est vrai, on le sait, raconté que vous étiez fiscaliste, mais ça n'avait rien à voir avec trader. Vous n'étiez pas dans. J'étais pas trader, j'étais traiteur. Ah. En fait, j'étais. Non mais sérieusement. Andouillette, tête de veau. Le triple A pour moi, c'est de l'économie. Vous étiez trader ou pas trader, vous? Non, j'étais fiscaliste. Fiscaliste, voilà. J'ai fait Sciences Po et j'étais. Donc c'est pas du tout le même domaine. Non, absolument pas. Non mais t'as côtoyé beaucoup de traders. Voilà, c'est des personnalités que j'ai un peu côtoyées. D'ailleurs, c'est des personnages qui me vont bien. Voilà. Vous avez joué Coluche. Aussi. D'où Coluche, justement pour le film d'Antoine Decaune, dans lequel c'est vrai, François François Xavier de Maison réalisait cette performance incroyable de jouer Coluche. Ouais. La série dont j'ai diffusé le générique comme indice, série sur France 2, c'était Disparu, il n'y a pas longtemps ça, quand même. C'était l'année dernière, ouais. Voilà. Ah, j'en passe vite. Gros succès, Disparu. Ouais, ouais, c'est un gros succès, j'ai adoré faire ça. Ouais. Et quant à la première chanson, elle aussi qui était la chanson d'un film, c'était pour le film Comme des frères, ouais, Pierre Ninet. Un film avec Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry de Hugo Gélin, et c'est resté tous des bons potes, c'est un merveilleux souvenir aussi. Et alors évidemment, le dernier indice Cadet Roussel, c'était pour Cadet Roussel. Ça c'est honteux, c'était trois maisons. Ça, ça non, c'était moyen. Là, c'était... Trois maisons au lieu de deux maisons, vous voyez. C'était au forceps. Il est content de son indice. Il est ravi là, vous imaginez pas, ça lui fait la journée là. Ça a aidé Gazon. Mais oui, voilà. Ouais. Vous mettez toujours autant de temps pour identifier quelqu'un ou... Oui. Ah oui. Oui, oui. C'est, oui, c'est là qu'on réalise qu'on franchement vous avez autre chose à foutre. Que finalement ce que tu fais pour toi c'est essentiel. Mais finalement, grosso modo, Non, mais ça t'a stressé qu'on te reconnaisse pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est rigolo en plus. Ah bah oui, non, mais attends, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Allez-y. Les mecs qui sont là, attends. Ah, mais c'est pas vrai, mais on leur donne un mais oui, c'est un ça, autre. C'est ça. Celui-là qui a posé là une bonne question, mais il trouve pas, mais c'est merde. C'est ça, ouais, parce qu'on est complètement nombriliste dedans. Ouais, mais oui. Le monde tourne autour de nous, donc on a l'impression. Vous n'imaginez même pas comment cette séquence est révélatrice, cher François Xavier. C'était pas votre cas, je vous rassure. Mais il arrive parfois que vous demandiez à quelqu'un qui se trouve dans la loge, est-ce que vous avez une carrière international, la personne vous répond oui, alors moi je vérifie, est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien la bonne personne. Non, mais surtout les questions sur la séduction ou sur les cheveux, je sais pas quoi répondre. Il est arrivé que quelqu'un ne sorte pas de la loge parce que personne ne trouve. Moi je l'ai, j'étais avec un ami hier, Laurent, oui. Et cet ami a pas été trouvé, c'est Daniel Russo. C'est vrai. Et je me foutais encore de sa gueule hier là-dessus. C'est vrai, il a jamais été trouvé. On n'a pas trouvé Russo. Qu'est-ce que c'est dur, le pauvre. Mais en fait c'est très compliqué parce qu'il y a cette voix déformée et puis des oui, indices. Oui, c'est le principe, Ariel. Des indices abracadabrant. Oh non. Il y a des types qui sont invités mystères même en sortant du plateau. Ils le restent. Et on les croise, on leur dit mais qu'est-ce que tu faisais là. Mais ça n'était pas votre cas, la preuve. Quand même, Christophe Beaugrand vous a identifié très vite. Ça ne m'étonne pas, lui, c'est un homme de vous. Laurent Baffy aussi, et même Florian Gazan, lui, grâce à Cadet Roussel, c'est vrai. L'Outsider, un film de Christophe Baratier avec François-Xavier de Maison et Arthur Dupont dans et les Sabrina Ouazzani, qui est formidable aussi. Et Sabrina Ouazzani, vous avez aussi, raison. Sous-entendu, moi aussi. Et même formidable. Le petit Stéphane Bach aussi qui mais joue. Mais oui, Stéphane Bach, il y a Roby Skinazi, il y a. Sorène Prévost. Sorène Prévost qui est génial, il y a toute une bande de joyeux lions. De jeunes traîneurs. L'Outsider, ça sort le 22 juin dans toutes les bonnes salles de cinéma. Merci François-Xavier de Maison. Merci, merci beaucoup. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'». J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov' est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, l'émotion et les questions au lendemain du terrible attentat homophobe d'Orlando. L'Amérique pleure ses morts, comme nous avons pleuré ceux du Bataclan. Et en pleine campagne présidentielle, Donald Trump s'en prend déjà à Hillary Clinton, qui, elle, préfère le registre de la sobriété. Alors dans RTL Soir, évidemment, nous allons retrouver notre envoyé spécial, Philippe Corbet, en Floride. À 18h20, la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, nous dira quel impact aura l'attentat d'hier sur le vote de novembre. Et puis, nous nous demanderons également comment faire condamner les auteurs de tweets homophobes qui, depuis hier, répandent leur haine. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Le gouvernement veut bouter les hooligans hors de France. Une dizaine d'entre eux sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Déjà 2 hommes condamnés à de la prison ferme. L'alcool est interdit dans les villes où il y a match. Sur le terrain, victoire de l'Espagne 1-0 face à la République tchèque. Irlande-Suède débute à l'instant, nous y serons dans ce journal. La loi travail débarque au Sénat, 1000 amendements déposés. Le texte va prendre un tournant radicalement libéral avec notamment l'enterrement des 35 heures. De quoi attiser la détermination des syndicats. La CGT promet une démonstration de force demain lors de la grande manifestation parisienne. Nous verrons si ce sera un baroud d'honneur. Et puis, qui donc en veut aux coiffeurs de Saint-Brieuc? Plusieurs d'entre eux ont vu leur ligne de téléphone coupée sans crier gare. Étrange affaire que nous racontera Jean-Alphonse Richard. Tiens donc. La Bourse de Paris, elle termine en baisse d'1,85% à 4227 points. Les courses à Compiègne, il fallait jouer le 12, le 8, le 6, le 15, hélas. À 18h25, direction les coulisses de l'actualité, scène de guérilla donc à Marseille entre hooligans russes et anglais. On va vous emmener en coulisses de ces groupes alors qu'aucun russe n'a pu être arrêté. 18h30, Alain Duhamel ce soir. Tous gaullistes cette semaine. 18h35, exclusivité RTL, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma européen. Au casting, Cara Delevingne ou Rihanna, Luc Besson vient de donner le clap de fin de Valérian dans sa cité du cinéma, vous savez, à Saint-Denis. Luc Besson vient nous raconter ce tournage incroyable tout à l'heure. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera Le Monde. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Marc-Olivier. Demain, des nuages, des averses et quelques rayons de soleil. Tiens donc. Oui, quelques, mais c'est lequel qui est important parce qu'il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Pour l'essentiel, ça sera encore très nuageux comme aujourd'hui. On se répète de jour en jour en ce moment. Toujours pas d'anticyclone, donc ce système instable avec des nuages, des éclaircies très rares et des averses. Alors des averses, il n'y en aura pas toute la journée. Même au moins un autre, on aura quelques gouttes de pluie. Et ça, partout, sauf tout près de la Méditerranée ou avec l'aide d'un peu de Mistral et de Tramontane, le ciel restera plus dégagé. Puis côté température, ben comme aujourd'hui, on sera toujours en dessous des normales de saison. 17 à 20 degrés seulement dans la moitié nord demain après-midi. 20 à 22 comme aujourd'hui dans le sud-ouest. Et près de la Méditerranée, là, nous sommes dans des températures de saison avec 24 à 28 degrés. Louis Baudin, impatient d'entendre l'histoire des coiffeurs de Saint-Brieuc. À tout à l'heure, Louis Baudin. RTL Soir. Love is love, l'amour. C'est sous ce mot-clé que se manifeste dans le monde entier la solidarité avec les homosexuels après la tuerie d'Orlando, Isabelle. Oui, ce soir à Paris, la Tour Eiffel sera illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel et des rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes. Le bilan du massacre commis par Omar Mateen dans le club gay The Pulse a finalement été établi à 49 morts, sans compter le tireur. Il y a aussi une cinquantaine de blessés, certains dans un état très grave. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique qui décrit Mateen comme un soldat du califat. Philippe Corbet, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL en Floride. Bonsoir. Bonsoir. On en sait un peu plus ce soir sur ce jeune homme qui avait été repéré par le FBI. Oui, première chose, Omar Mateen a tenté il y a plusieurs semaines d'acheter une armure paramilitaire, mais le magasin a refusé de le lui vendre, ce qui confirme la préméditation de cet attentat. Autre détail concernant le déroulé, lorsqu'il a appelé la police pour prêter allégeance à Daesh, il se trouvait déjà retranché dans les toilettes avec des otages et les forces d'intervention étaient positionnées dans la boîte de nuit. Il semblait calme mais déterminé, il parlait peu. Elles n'ont pas réussi à faire sauter à l'explosif le mur des toilettes et ont dû utiliser un petit véhicule blindé. La police locale ne veut pas dire à ce stade si des clubbeurs ont été tués par cet assaut et le FBI va devoir de son côté expliquer comment, après l'avoir interrogé en 2013 et 2014 avec des indices de radicalisation, ils n'ont pas pu au moins suspendre son droit d'acheter des armes d'assaut légalement. Une trentaine d'experts de la police scientifique sont toujours sur le site tout près de moi. Des dizaines de corps ont été retirés dans la nuit. 48 des 49 victimes ont été identifiées. Les familles de 26 d'entre elles ont été prévenues ces dernières heures. 42 blessés toujours hospitalisés. 6 doivent encore être opérés aujourd'hui. À Orlando, donc, l'envoyé spécial de RTL, Philippe Corbet, cet attentat le plus grave, vous le savez, depuis le 11 septembre 2001, est condamné ce soir par les dirigeants du monde entier. Barack Obama a dénoncé un acte de terreur et de haine, mais pour lui, il n'y a pas de preuve claire d'une implication d'un commanditaire étranger. Le pape François a exprimé sa douleur et son trouble. Même Vladimir Poutine évoque un crime barbare. Quant à François Hollande, il s'est recueilli tout à l'heure à l'ambassade des États-Unis à Paris. C'est l'Amérique qui a été...